Jolie comme tout, elle est jolie comme tout. Est-ce que tu crois qu'elle a encore ses bagues? Parce qu'elle avait des bagues là. Sur les dents, ouais, je crois qu'elle les a encore. Et elle avait une totote aussi. Oui, c'est vrai qu'elle elle avait des petites bagues. Ouais, c'est elle vrai. Est magnifique. Et bah, elle sera ouais. notre invitée tout à l'heure. Mais c'est elle qui fait des photos assez. Oui. Ouais, sur son Instagram. C'est en mode. Bon, j'y vais de bon cœur quand même. Elle sera notre invitée, c'est celle qui fait le titre avec David Guetta. Demain, il y aura Kongs avec nous. Il y aura Boosty aussi si vous ne le connaissez pas. Vous découvrirez demain. Excusez-moi. Vous avez vu ce qu'elle publie, Sarah Larsson, la petite photo en mode. Je l'ai pas vu celle-là. Je suis limite à poil sur le lit. Ouais. Avec une nana? Non, c'est elle, je crois. C'est pas une photomontage d'elle devant, non? Ah non, c'est... Ah non, c'est une autre. Enfin, faites gaffe. C'est une autre nana? Attends, je vais voir. D'habitude, elle vient toujours avec sa maman. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça, qu'est-ce qu'elle a écrit? Woman, we are expected to be sexy. But not if we want it ourselves. Tu comprends que dalle. Quelqu'un parle anglais bien qui parle bien anglais ici? Le plus important, c'est la photo. Non ouais. Non, personne, non. Ouais, j'ai checké parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, on avait regardé son Instagram. Super anglaise, je veux une super anglaise. Super niveau, hein. Il y avait que des photos sexy, là, elle en met moins. Allez, venez, venez, je vais une attention, hein, je vais comprendre ce qu'elle dit quand même, parce que. Ah oui, bah elle en met moins, elle est quand même sexy cette photo. Ah, mais c'est fait refaire les seins, les gars, en fait, non? J'ai l'impression qu'ils sont plus ronds que. Non, plus non, elle se les tient. Elle les tient. Women, we are expected to be sexy. Non, ça, je sais lire. D'accord. C'est pas la lecture, le problème, c'est les. Elle a un bon accent. Ah, d'accord. Femmes, nous sommes supposées être sexy, mais si nous. Alors, attendez. Il n'y a pas de if we want, si vous voulez, on veut être nous-mêmes. Si nous voulons l'être nous-mêmes. Ça ne veut rien dire cette phrase. Donc merci mademoiselle. C'est quoi ton prénom? Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Heureusement que tu es venue, tout le monde t'a plu. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on aura un objet à la con, on aura le qui veut épouser un membre de l'équipe, on aura une petite annonce. Donc c'est ce que je vous disais avec un objet, je savais même pas qu'on pouvait revendre des trucs comme ça moi. On aura du devine qui c'est. Ah, ça fait longtemps. On aura le jeu du public parce que on fait ça de plus en plus, que le public a une bonne tête. Et je trouve que le public chez nous, public, il faut qu'on s'en serve un petit peu. Bon, là, il rigole beaucoup moins en premier rang, mais vous inquiétez pas, on ira aussi chercher ceux du deuxième rang. Ça va très bien se passer, vous allez voir. Vous allez kiffer ces rapports avec des hits. C'est ça, hein? Oui, la fait courte, les gars. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on les abîme un peu plus à chaque fois. Ouais, c'est le souci. Bon, allez faire un tour sur les réseaux sociaux, allez faire un tour sur notre Facebook, Coé officiel, allez faire un tour sur Twitter, c'est Coé officiel Snapchat. Oui. C'est le Coé off. Je vais vous faire un bisou en live, tiens, juste après. Et juste pour vous dire que ça y est, on a tourné le clip Zougoulou, on l'a fini. Oh là là. Oh là là. Et vous voulez que je vous dise, c'est très dur de faire croire qu'on est sur la Côte d'Azur alors qu'on est en plein Paris et qu'il fait 12 degrés. On se les gèle et qu'on va se prendre une pluie sur la gueule à tout moment. Je crois qu'on va tous tomber malades. On les compte vrai à Miami. Ouais. Alors qu'on aurait dû tourner à Miami. Ça en ce moment. Alors c'est vrai que vous vous souvenez qu'on devait aller faire une émission à Miami. Ça nous a bien. Eh bien, bonne nouvelle. Dans quelques jours, pour compenser ça, nous serons à Walibi en Belgique. J'espère qu'on est content. On va voir nos amis belges, au moins on est bien reçus. Et oui, on est numéro un là-bas, ça me fait plaisir. Bon, on en a même pas parlé. Est-ce qu'on a quoi dans l'émission tout à l'heure? Je vois un petit peu tous les gens qui sont là, vous tous, hein, 0800 70 42 48. On aura une histoire, on parlera animaux, on parlera sexe. Oui, il y en aura. On parlera pas de l'affaire Benzema? Personne pour dire ce qu'il en pense? J'aimerais bien votre avis, moi. C'est pas prévu. Dites-le nous, 0800 70 42 48 ou 611 12. On appelle Benzema. Bah, ça fait juste deux jours que Benzema a dit que s'il n'était pas sélectionné, c'est que en fait le sélectionneur était raciste. Je la fais quoi? C'est qu'en gros, ça reflétait une France raciste et c'est à cause de ça qu'il n'a pas été sélectionné. Ah, d'accord. Après, il y en a d'autres qui ont mis des photos de l'équipe de France et ce qu'il dit, c'est de la connerie. Excusez-moi, en un coup d'œil, tu vois bien que si t'es raciste, si t'es sélectionneur raciste dans l'équipe de France, bon, je pense que t'as pas grand monde. Tu vomis toutes les 5 minutes. Ouais, c'est ça. Ou alors tu sélectionnes personne, mais c'est une connerie à l'état pur. C'est pas nouveau quoi, de dire qu'il y a plein de blagues dans la France. Il y a pas toutes les nationalités, mais il y a toutes les origines et toutes les couleurs de peau dans l'équipe de France. Parce que les deux qui ont été retenus, c'est-à-dire en équipe de France, c'est deux rebeux en fait. C'est Ben Arfa et lui. Ça aurait été deux blagues, on aurait dit la même chose. À Lyon, il est connu pour faire le buzz à chaque fois. Il est pas pris, il veut faire le buzz, c'est tout. Ouais, enfin, il l'a beaucoup fait avec la sextape de Benzema. Moi, j'ai entendu dire, mais je suis pas un spécialiste en foot. Que c'est pas Deschamps qu'on n'a pas voulu. C'est qui alors? Bah, visiblement, c'est la Ligue, le machin, qu'on tous dit pas de Benzema, machin, tout, et qu'il a un peu répondu à. Mais pas pour des histoires de racisme. Et pourtant, il est pour bon, des Benzema. Histoires de ça va, et les sextapes, la mauvaise image, le machin. Ouais, mais il est bon foot. Non, mais moi, je commence à en avoir. Excusez-moi, je suis pas un grand professionnel du foot, je commence à en avoir ras le cul. Des joueurs à problème. Je suis d'accord. Les sextapes, les bagarres, les clans, les on veut pas descendre du bus, les on insulte l'entraîneur. C'est ça qu'ils ont. Allez vous faire foutre, les mecs. Un sportif, ça doit être pisse, quoi. Non, mais en plus, excusez-moi, quand tu portes le maillot français, tu dois être. Comme tu portes le maillot d'un pays, tu dois être digne du maillot que tu portes. Complètement. Si tu commences à bagouiller dans des sextapes, t'as un juge qui est sur ton dos, t'es pris un coup en excès de vitesse, un coup en machin, un coup tu. Ça va, et puis t'es pas pris et t'es étonné. Et en plus, t'en mets une couche, non, bah, la France est raciste. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est tous ceux qui ont suivi le pas derrière. Hein. Parce que même Jamel, là, il a fait deux pas en arrière. Hein. Ah ouais? Parce que Jamel, il avait commencé à dire, ouais, c'est un peu normal. Et puis là, il est revenu un peu en arrière en disant, non, mais pas vraiment, en fait. Quand on vient de s'excuser, là, Bah, évidemment, qui sait que moi, quand j'ai vu ça, excusez-moi, j'aime beaucoup Jamel. Mais à un moment, on ne peut pas attiser en France des haines comme ça. On le sait que les sujets sont sensibles en France. On sait que rebeu contre juif, contre noir, contre blanc, il y a des endroits où les gens sont un peu. On le sait qu'il y a un truc comme ça qui est flottant et il faut faire attention. Mais tu t'amuses pas à attiser ce genre de haine. Quand quelqu'un dit une connerie, tu t'amuses pas sous prétexte que t'es connu humoriste à dire c'est pas totalement faux, il y a un peu de ça, c'est pas vrai, tu peux pas, c'est trop dangereux. Il y a un moment donné, voilà, c'est tout, il n'est pas été pris parce qu'il a trop fait de conneries ces derniers temps, et s'il avait été bon il aurait été pris. Et puis pardon, mais une équipe c'est combien de joueurs avec les remplaçants? 23. Tu peux pas en prendre 40, hein. Il y a un moment, il y a un nombre limité, chaque année il y en a qui restent sur le carreau, et comme par hasard c'est ceux qui ont fait trop de conneries. Non mais c'est vrai. Oh, ça m'a saoulé. C'est étonnant parce que toi t'aimes pas le sport d'habitude. Mais c'est pas que j'aime pas le sport, c'est que je trouve ça débile quand il se passe un truc, le premier truc que tu sors c'est racisme. Mais là, non, c'est plus c'est du sport, là, c'est le buzz. Arrêtez, il y a un moment donné, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a que des gens qui sont bons ou sont pas bons, ou ils ouvrent trop leur gueule ou ils font des conneries. Et c'est tout. Et il y a des gens, comme par hasard, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. C'est vrai. Tu vois, mais à un moment, il y a des mecs dans les qui jouent au PSG, qui jouent à l'équipe de France, tu n'en entends jamais parler. Ouais. Et il y a des mecs, c'est toujours les mêmes qui sortent. Et quand ils ne sont pas sélectionnés, on dit oh non, il y a racisme. Bah non, mec, t'as pas été sélectionné, baisse la tête. Puis c'est tout. C'est comme Anelka il y a quelques années. Ouais. Mec, il a foutu la merde, il a pas été sélectionné, tant pis, qu'est-ce que je te dise. C'est pas une histoire de racisme. Ah, ça m'énerve ça. On va te mettre. Donnez-nous votre avis par SMS au 612. J'aurais envie de savoir un peu ce que vous en pensez. Mettez Koé au début de votre message. Voici Major Lazer. C'était mon point foot du soir. Commence bien. Oh, ça va, ça va. Dès que les mecs savent plus quoi dire, maintenant c'est raciste. C'est le mot qui sort et le mot à la mode. Ah, merde. Ah, c'est pénible ça aussi. Voici Major Lazer donc sur Énergie. J'ai fini. Sur Énergie. Oh là là, quel casse-couille, ce Loris. Toute l'équipe est dans le clip, hein. Vous allez vous amuser à voir le clip que l'on a tourné de Zougoulou. C'est le Zougoulou qu'est la vie. Il y a Julie, il y a Piette, il y a Guéguette, il y a. Jérémy, je vais pas dire, mais le Fayot n'est pas venu. Hein. Pourquoi t'es pas venu, toi? Non, on m'avait pas prévenu. Arrête. Allez. Tu plaisantes ou quoi? C'est vrai, mon coco, Julie. Non, c'est pas vrai. C'est mon coco. C'est pas vrai. Coco. C'est pas vrai. Pas, moi, j'ai rien organisé. Non, coco. Sinon, je serais venu. Arrête. Ouais, je te crois pas sur ce coup-là, c'est bizarre, mais je te crois pas. Bon, non. Ou parce qu'il y avait Bérénice, c'est certainement ça. Il y a plein de messages qui arrivent. Il y a plein de messages. Je vous les livre, comme ça on finit l'histoire Benzema. Mais si vous voulez, on en reparle un peu plus tard. S'il y a du monde au téléphone, 6-11-12, laissez vos numéros de téléphone si vous voulez en parler. Comme ça, ce serait bien qu'on fasse un petit, tout petit dose rapide, mais pour avoir votre avis. Il y en a un qui dit il faut regarder les équipes polonaises ou russes, et là tu vois ce qu'est un entraîneur raciste. Pourquoi il n'y a pas Ah bah peut-être qu'il y a le blanc, il y a peut-être pas beaucoup de couleurs. Voilà. Entièrement d'accord, il faut arrêter de se positionner en victime et assumer ses conneries. Nat de Nantes, il faut regarder. Ouais, ça il l'a dit. Benzema qui pleure de ne pas avoir été sélectionné mais qui commence par bien vouloir chanter la Marseillaise lors des matchs. Ah, c'est vrai, je crois qu'il chante pas. Ah, le truc est de retour, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Coé, tu m'ôtes les mots de la bouche aujourd'hui en France. Si on fait un reproche aux gens, soit on est raciste, soit on a un problème de religion. Et ça, à mon avis, ça va pas aller en s'arrangeant ces histoires-là. Benzema, 12 ans et demi, recherche un nouveau chef d'équipe pour la balle au prisonnier Charlotte de Paris. Non, ça. Ah tiens, petite réaction Benzema, on fera Olivier juste après comme ça. Ça va Michael? Garçon, tu aimes le foot? Oui, ça va, ouais. Bon, salut mon gars, alors ton avis? Ben, mon avis, tout simplement, il y a quelques temps de ça, Karim Benzema disait, voilà, moi, mon argent, c'est juste pour, voilà, je joue en France juste pour gagner de l'argent, et le reste, ben, je le considère pas réellement comme mon pays. Entendre des propos comme ça, je pense qu'aujourd'hui... Mais t'as entendu ça où? Parce que des fois... Non, il l'avait dit, ça fait une histoire. Ouais, ah, d'accord, ouais. Parce que souvent, voilà. Et d'ailleurs, l'interview qu'il l'a fait, il l'a pas fait sur un journal français, il l'a fait sur un journal espagnol, si je dis pas de bêtises, qui a été rapporté, évidemment, voilà. Oui, après, c'est ce que rapportent les médias. Après, moi, c'est vrai que ça a paru plusieurs fois. Et aujourd'hui, ben, je pense qu'il y a d'autres joueurs talentueux. Néanmoins, lui, il pouvait en avoir du talent, mais il a pas su faire ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, la place aux autres. Bon, il y en a plein. Il y a un message qui dit, un peu comme toi, il y en a qui disent il y a des talents qui s'ouvriraient les veines pour jouer en équipe de France pour un dixième de leur salaire. Ça me dégoûte aussi profondément des réactions comme celle de Benzema. Après, c'est une histoire de talent. Il gâche toute son image. Il y en a un qui dit merde, ça fait du bien pour quelqu'un ose pousser une gueulante sur les allusions de racisme. Oui, c'est vrai. Pardon, c'est pas une gueulante, mais c'est vrai que à un moment donné, c'est insupportable. T'as l'impression que c'est le truc au fond du sac quand t'as plus d'arguments. Qu'est-ce qui m'arrête? Ah, raciste. Allez, hop, on me rendit raciste. C'est insupportable. Oui, non, mais voilà, aujourd'hui. Le mot racisme, tu l'as souligné tout à l'heure. Je veux dire, quand on voit l'image de l'équipe de France aujourd'hui, je pense que... Mais il y a un joueur qui l'a dit. Hein. Il y a un joueur d'ailleurs qui l'a dit, un joueur black. Hein, il a dit de toute façon, il y a assez de mecs de couleur dans l'équipe de France pour pas dire ce genre de conneries. Mais moi, sortir ce mot dans tous les sens, je trouve que c'est une connerie parce que les vrais racistes, on les attaque jamais. Et il y en a qui prospèrent dans tous les sens. Et on attaque un pauvre Deschamps qui a autre chose à foutre que de faire des jugements de couleur de peau et qui a une équipe. Et je pense qu'il a d'autres pressions que de s'acharner sur un Benzema ou sur un autre. Je crois qu'il en a rien à foutre. Lui, il veut que ça gagne. Et puis c'est tout. Ouais, c'est bon, je te fais un bisou, Mickaël, je t'embrasse. Bon, mais vive le sport, vive la France, et puis on contacte des bons résultats. Putain, c'est dans cette émission qu'on dit vive le sport. C'est pas normal. Si on m'avait dit qu'un jour, dans mon émission, on entendrait cette phrase vive le sport. Ah, je suis bon pour passer sur RMC, je vous le dis. On y va. À bientôt, Mickaël, je t'embrasse. Olivier, on aura le temps tout à l'heure ou pas? Après la pub. On va tout décaler. Olivier, on parlera de quoi tout à l'heure? Ah, une histoire, toi, tu veux quoi comme chien? Un Doberman. Et ta copine, elle dit quoi? Elle lui a lancé un défi. Elle dit non. Tu penses. Un Doberman en plus pour comme premier chien, c'est sympa. On en parle juste après. Raïs Trefi. Ça cartonne la vidéo des Raïs Trefi qui était venue chez nous. Tant mieux, c'est tous les Albanais qui matent. C'est vrai. King of the

Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, par les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Si je priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. C'est le premier show de France, de Belgique et de Suisse. Mike Posner, lui, sera là mardi. Oui. Boosty, celui que vous entendez là, sera là demain avec Kungs. Et tout à l'heure, la demoiselle qui sera là s'appelle Zara Larsson. Elle vient de quel pays déjà, Zara Larsson? Suède. Alors, Suède, c'est ça? Ouais. Je voulais vous dire que vous nous avez mis en tété. Oui, nous voulons Efron Drive dans l'émission. Et est-ce qu'il y en a un public qui connaît Efron Drive? Non, bah ici non, mais visiblement il y a une communauté qui connaît Front Drive. On a été un entêtement en, voilà, en très peu de temps. Et vous nous avez dit ouais, Front Drive chez Koé sur Énergie. Et là, vous nous l'avez demandé et nous, nous avons dit non. Déconne, déconne. Ils viennent nous voir dans quelques jours. Ah ouais, je voilà, vous nous l'avez demandé, dans quelques jours on va le faire venir. Donc vous pouvez facile la communauté, vous pouvez tweeter Front Drive vraiment chez Koé sur Énergie. Hein, du coup, hein. Non mais voilà, vous nous l'avez demandé, on l'a fait. C'est tout, ça nous fait plaisir. Alors Jérémy me regarde en disant et je sais beau pas gosse qui en c'est, plus, je sais pas qui c'est. Ah non, honnêtement, je suis honnête. Un beau gosse, un beau gosse. On peut demander qui on veut du coup. On peut demander qui on veut, ouais. Ouais, ouais, vas-y, demande qui tu veux. Tu es qui? Bah, j'aimerais bien Renaud du coup. Alors, hashtag Renaud chez Coé sur Énergie, c'est en TP. Ouais. Bon, il y a plein de messages hein, pour réagir. On parlait de l'équipe de France, Stellar et Benzema. Il y a plein de messages au 612 en mettant Coé au début du message. Et n'oubliez pas que dès que vous entendez deux hits de Guetta, pareil, 6-11-12 en mettant Coé au début du message. Si vous êtes sélectionné et que vous envoyez votre message, vous pourrez peut-être partir à la Tour Eiffel, tout frais payé, avec votre copain, votre copine, votre chérie, qui vous voulez, et rencontrer David Guetta. Elle est belle l'histoire. Olivier, 23 ans, dans un instant, nous essaierons de vendre un objet que nous avons vu sur Le Bon Coin. Pas essayer de le vendre, essayer de l'acheter, ou essayer de faire dire à la personne que c'est de la merde. Quelqu'un qui vend une lunette WC d'éco marine. Oh. C'est dégoûtant. Alors, c'est abominable. Hein. Imaginez une lunette dessus de toilette bien, ouais, avec des coquillages et une couleur bleue. Si elle a été utilisée, c'est horrible. C'est ça le pire. Ça a été utilisé ? Ah oui, oui. Elle m'a dit très peu de fois, mais ça sentait qu'elle essayait de le vendre, quoi. Bah, ça sentait tout court. Ouais. Voilà. Donc, c'est dégoûtant. Olivier, 23 ans, tu nous as envoyé un mail. Ça va, Olivier ? Ouais, ça va, nickel. Oui, Olivier. Où est-ce que tu habites, Olivier ? À Trémoux, à côté de Lyon. À Trémoux ? C'est très dur, ça. À Trémoux. À Trémoux. T'habites à Trémoux, t'imagines les mecs, ça va. Ça va. Pas bien, je suis à côté de Pente Moyenne. Ouais, c'est Près de Bimol. Alors, attends, il y a une histoire. Il y a une histoire de chien, raconte-moi. Ouais, en fait, je veux un Doberman depuis plusieurs années. Et là, ma copine, vu qu'on a emménagé ensemble, elle me dit pas tout de suite. Mais est-ce que t'as la place pour avoir un Doberman? Parce que c'est... Ouais. Mais genre, ouais, quoi? Genre, t'as un terrain? Non, j'ai pas de terrain, mais on le sort tout le temps. Ah, on est tout le temps dehors avec les chiens. Après, attention, c'est pas un lévrier, c'est un chien de garde, c'est pas un chien de chasse. Ouais. Doberman dans un appartement. Ah, mais surtout, chaque ouf. Chose en son temps. Vous venez d'aménager ensemble, attends pour le chien un peu. Ouais, mais ça fait trop de temps que j'attends là. Non, mais enfin. Je suis d'accord, mais non, mais c'est pas s'il a envie, c'est pas vrai. Il y a un moment donné, il faut savoir que prendre un chien, c'est pas pour son plaisir à soi, c'est pour la bête. Il y a un moment donné, il y a des tas de gens qui veulent des bouviers, là, des trucs qui sont gigantesques, et quand ils se font plus de 30 kilos, ils les vendent, ils les donnent, ils les perdent, parce qu'ils se rendent compte que ça fait des poils, c'est trop gros, et ça casse tout. Un Doberman dans un appartement, c'est chaud. Moi, hein. Je pense que c'est pas du tout le chien qui va bien pour il ça. Il est grand ton appart ? Oui, il fait 70 mètres carrés. Ah, mais tu vas grand, de dire ouf ton chien, pardon, 70 mètres carrés c'est bien pour toi, mais pour un. Genre, vous travaillez tous les deux ? Non, mais on est tout. Ouais, on travaille tous les deux, mais on est tout. Enfin, le chien dès qu'on peut, on est dehors avec quoi. On met quoi ? On met quoi ? On est dehors avec le chien. On fait déjà un chien. Tu passes pas ta vie en hiver à être dehors avec le chien. C'est ça, c'est bien l'été. Non, mais déjà, vous travaillez tous les deux, ça veut dire toute la journée, le chien est tout seul. Ah oui. Ouais, mais ça sera toujours pareil, de toute façon. Non, ce sera toujours pareil, sauf qu'il y a des races de chiens qui foutent rien. T'as des races de chiens, boum, tu les poses, tu reviens 5 heures après, boum, il est encore posé. Il y a des chiens, ils n'ont pas besoin de courir, ils peuvent pas courir. Ouais. J'aime bien les bulldogs français, ça sert à rien de lui faire faire des tas de kilomètres, ça le fait chier. Ouais. Donc, il y a des chiens qui sont faits pour avoir la patate. Et moi, j'ai peur qu'entre 4 murs, ton Doberman, ça va mal finir, parce que c'est comme ça que les chiens pètent les plombs. Hein. Non, pas de souci avec ça. Après, pas que les gens en maison qui ont des chiens non plus. Il y a ma copine qui travaille dans une école de chiens guides aveugles. À travailler avec les chiens, donc c'est son équipe. Si t'as l'habitude, après. On donne rarement un Doberman à un aveugle. Hein. Il risque de bouffer le mec qui l'aide à traverser. Hein, c'est... Bon, en tout cas, c'est pas ça le souci. C'est quoi le souci? C'est que ta copine, apparemment, elle t'a lancé un défi, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Elle m'a dit si 5000 likes, si tu réussis à avoir 5000 likes, je suis OK. Mais 5000 likes sur quoi? Sur une photo. Sur une photo de moi, avec écrit sur une pancarte, si j'attends 5000 likes. Mais mis sur mis sur quel support? Qui la met la photo? Comment? On sur, envoyé, sur ta page Facebook? Ouais, voilà, c'est ça. Sur ta page ou sur la nôtre? Je vous l'ai envoyé par mail. En fait, tu veux que t'aider de notre page pour avoir les 5000 likes pour avoir le chien. Ah, il est malin. Ouais, moi, j'arriverai pas. Bah, sinon, lui, il arrivera pas. Oui, c'est bien joué. Bah, moi, je l'ai la photo si vous voulez. Ça va être rapide. Bah non, 5000 c'est chaud. 5000, c'est allez, mets là sur la page Facebook. C'est quoi ton prénom? Olivier. Ok. Ouais, mais bon, moi je continue de penser que c'est une connerie. Après, il y a plein de personnes, Coco, qui ont des gros chiens dans des appartements. Et bien, il y a plein de personnes qui sont débiles. Excuse-moi, on ne met pas un gros chien dans un petit appartement. Mais c'est tout. Comme il y a plein de chiens malheureux en maison parce qu'ils sont jamais avec leur maître, un chien, tant qu'il est avec son maître, il est heureux. S'il est tout le temps avec son maître dans l'appartement, il est heureux. D'abord, ferme-la. Tu me saoules. Avoir un avis sur tout le temps. Il n'y a que moi, qu'il y a quelqu'un dans cette émission qui a un avis sur tout, c'est moi. D'accord? C'est comme toi. Et il a raison. Un chien, ça dort plusieurs heures par jour. Excusez-moi, moi, je vois juste qu'il y a beaucoup de gens qui des chiens comme ça et les chiens ils finissent dans les refuges parce qu'ils ne veulent pas les garder. Ils n'en plus, ils vivent avec les chiens. Là, sa copine elle bosse dans un centre. Mais oui, ils travaillent avec les chiens, ils savent très bien comment les éduquer et comment ce dont ils ont besoin. Vous avez vu couper les oreilles? Et bah, tu peux savoir éduquer un cheval, tu le mets dans une trop petite pâture, il est malheureux, c'est tout. Même si tu sais l'éduquer. Un Doberman qui n'a pas les oreilles coupées, c'est moche. Hein. Excusez-moi. Ouais, mais on coupe plus les oreilles. Je sais bien, mais excusez-moi, mais comme un Doberman avec les oreilles. C'est comme les boxeurs. Hein. Aujourd'hui, tu reconnais plus les boxeurs parce qu'ils ont les oreilles longues et la queue longue. Ouais. Mais c'est comme les staffs. Tous les gens qui ont des American staffs qui ont des pitbulls. Avant, ils avaient des oreilles super pointues. Ouais. Maintenant, ils ont plus la même tête. Ils ont plus la tête agressive. Bah, ils ont les oreilles toutes molles. Mais heureusement, attends, c'était barbare de couper les oreilles des animaux. Ça se fait plus. Oui, t'as raison. Attends, t'as vu le truc que ça fait aux animaux? C'est horrible. Ah oui, il a une gueule un peu moins méchante. Bon, on s'en fout qu'il ait une gueule. C'est le tuning sur chien, en fait. Bon, on met la photo. T'as mis la photo, là? Ouais, je l'ai. Bon, Olivier, rendez-vous sur notre Facebook. Et on est officiel. Beaucoup, hein, là, du coup. Hein. Si on arrive à 5000 likes, et ta copine est obligée de dire oui, alors. Ouais. Mais après, il faut s'en occuper, hein. C'est pas juste. Mais ils ont l'habitude. Après, Coco, c'est pour ça. Ils ont l'habitude, Moi, je ne comprends pas du tout. Mais quoi? Qu'est-ce que tu bougonnes, là? Je bougonne. Mais pourquoi tu bougonnes? Je trouve qu'un Doberman dans un petit appart, c'est pas fait. Mais ils savent très bien s'en occuper. Okay. Et ils auront peut-être jamais une maison avec un jardin, donc. Oui, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Tu vois. Pas de maison. Pas de Doberman. D'accord. C'est la conclusion. Désolé, t'as pas de terrain, t'as pas de poney. Et ben le mec il dit je veux un poney, j'ai envie d'avoir un poney, j'aime les poneys. Bah non, t'as pas de terrain, t'as pas de poney. Mais tu peux les faire courir. C'est ceux qu'on a la grande. J'aime les hyènes. La grande mode. La grande mode en ce moment c'est les petits cochons. Alors tout le monde, ça c'est le gros délire, ça. Un petit cochon. Ah, c'est trop mignon. Ça fait 50 kilos. 300 kilos à l'arrivée. Le petit cochon, ils te le vendent dans les. Attends, ils te le vendent dans les animaleries. Il fait 20 cm de long. Il est tout petit. C'est un tout petit porciné. Le bazar, il peut monter à 70 kilos. Il y en a qui restent. C'est une nouvelle mode, ça. Ça existe depuis quelques années. C'est les nains qui font 50-70 kilos. Et les cochons roses normaux qui te vendent aussi, ça fait 150 kilos. Pour l'instant, il va là-bas à Doberman. Ouais. Allez, on en parle dans un instant, mon pote. Allez faire un tour sur ma page Facebook. Si jamais on arrive à 5000 likes, il le prend. Si on peut vous aider à avoir le chien que vous vouliez, ça, on le fera, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites des Fred, il a eu des suées en fait. Pourquoi? Je sais plus comment tu tapais sur l'écran, mais bon. Non, ça va, il n'est pas cassé. Bon, on va le revendre quand même. C'est Calvin Harris. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Un membre de l'équipe, il y a une info qui est tombée. Écoutez bien, c'est un pourcentage, c'est fait par des scientifiques, donc c'est obligatoirement vrai. Les filles, écoutez bien. 1% des hommes. Ouais. Autant dire que dalle. 1%, autant dire que voilà, sont équipés d'un pénis de plus de 22 cm. Wow. Très bien. Donc, on ne parle que de 1%. Ouais. C'est-à-dire que vous alignez 100 mecs et vous dites pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, jusqu'à 99 et lui dit toi. 1%, ouais. Un pénis de plus de 22 cm. Et comme par hasard, Julie est tombée dessus à chaque fois. Oui, je voudrais qu'on l'applaudisse, cette Julie, bravo. Parce que quelque part. C'est vrai, c'est dingue. Tu sais quoi, j'ai trop de chance de déjà, ce week-end, je t'emmène au Touquet, tu vas jouer au loto. Oui. Et deuxièmement, t'aurais dû être archéologue, toi. Elle aurait pris une petite piole, elle fait oh, dinosaure. Je comprends pas, j'ai juste mis ma piole, il y a un dinosaure en dessous. Non, mais 20 cm, non, j'ai eu deux fois. Ah, oui, enfin sur 5 mecs, c'est pas mal, hein. C'est un bon pourcentage, bon ratio. Ouais, ah. Deux fois. Sinon 18-19, quoi. Ah oui, bien sûr. Ah, bah, voilà. Des petites, et en tirant un peu dessus, les mecs, je veux dire, elle a un radar, c'est obligé. Ouais, je suis franchement, sûr. Mais c'est bizarre. Hein. Mais regarde dans les pantalons. Non, mais je serais hyper bizarre. Dans les pantalons, tu vois pas. Mais si, tu peux voir, pas. tu devines. Non, je te jure. Au premier baiser ou au premier truc. Excuse-moi, tu marches avec elle dans la rue, elle dit regarde, lui, il a une grosse boule. Non, c'est pas vrai. Si, un peu. Mais regarde, c'est malade. Arrêtez, mais non. Un peu comme ça, je suis pas du tout comme ça. Clairement. T'es un peu comme ça. Mais non. T'es un peu comme j'ai ça. Pas rien, je les attire. Tu vas brûler en enfer, toi. Tu sais ça. Voilà, je suis sûr que même quand il ira là-haut, tu diras ça, attends, vous avez un gros paquet. Ouais, ouais, ça va, dis donc. Arrête. Bon. Alain, 18 ans à Grasse, comment ça va, Alain? Ça va et toi? Ça va, mon gars. Est-ce qu'il fait beau à Grasse en ce moment? Ouais, parfait. Vous avez de la chance. Parce qu'alors, le nord de la France, misère, c'est une tanasse, mon gars, tu peux pas y voir. On va déprimer. Et chaque jour qui passe, faut quand même que je te dise que la météo. Chaque jour qui passe, t'as l'impression qu'il décale le retour du soleil. Oui, c'est vrai. Ça devait être aujourd'hui, puis t'as l'impression que les mecs disent bon, alors non, en fait, ça reste. Ouais, en même temps, c'est le nord, hein, chez vous. C'est le nord. Oui, mais là, c'est quand même, c'est violent. Tu vas épouser un membre de l'équipe, tu veux que ce soit qui? Julie. Mais c'est un bon choix, ça. Comment es-tu équipé? Parce que j'allais dire, ouais, partie d'un pourcentage. On vient d'en parler. En tout cas, plus de 22 cm. Oui. Ah oui. Combien? Plus de 22 cm. Mais t'es fou, toi. Une trentaine. Mais non. Faut pas partir du genou. Hein. Ouais, une trentaine, c'est bon, c'est ça. Mais non. Ah, bah, je ne te crois pas. Mais laissez-le, faut qu'elle dise oui. Donc. En oui, vrai, oui. Alors, en vrai. Tu vas dire que tu as rencontré Julie à quel endroit? En fait, moi, au festival de Cannes. Oui, très bien. Oui. Monter les marches. C'est tellement son genre. C'est tellement possible. Donc, tu l'as rencontré, tu vas à pied. Alors, attends, tu vas appeler la sœur de ta nana. C'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Bon. Pourquoi c'est plus compliqué? Pourquoi c'est plus compliqué, ouais. Parce qu'en fait, c'est la demi-sœur. Ouais. Du demi-frère à ma sœur. À ma copine, pardon. C'est la demi-sœur du demi-frère à ta copine. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans cette famille? C'est Bagdad. C'est Bagdad. Bon, d'accord. Mais en théorie, elle sait que t'es encore avec ta copine. Oui. Donc tu vas lui dire d'un coup que non seulement t'es plus avec l'autre, que t'as trouvé une autre nana, et que c'est Julie qui bosse avec moi, et que elle est géniale. Dadadada. Et à la fin, Julie, tu feras la grosse conne de base. Ok. Mais elle va gueuler, t'es sûr? Gueuler, c'est petit à côté de ce qu'elle va faire. Oh, je vais prendre cher. Alors, ne nous vend pas du rêve. Oh là là. Tu sais, nous, après, on y croit et on est comme des enfants. Vendre, hein, parce que, voilà. On y va, c'est parti. Allez, go. On appelle. Elle s'appelle comment? Sephora. Elle doit sentir bon. Non, en plus, elle pue, c'est horrible. Ouais, t'imagines Sephora. C'est dur, ça. Allô? Ouais. Ouais, ça va? Ouais, attends, mais c'est quoi? Raccroche pas quand il arrive. Non, mais c'est parce que faut que je te dise un truc, en fait, et c'est un peu chaud, t'as vu, et je sais pas comment le dire à Sarah. Quoi? En fait, t'as vu, il y a la semaine dernière, c'était le festival. Et le festival de Cannes et tout, et en fait, j'y suis allé sans vous, et j'ai rencontré quelqu'un là-bas. De quoi? J'ai rencontré quelqu'un là-bas. T'as rencontré qui? C'est... Elle s'appelle Julie, en fait, et c'est... Elle travaille avec Koé. C'est la radio, la énergie. Ouais, et alors? C'est le truc, ça s'est passé chez Koé, là. Ouais, et alors? Et alors, bah, je l'ai rencontré et tout, on a parlé. Genre, on s'est échangé nos numéros et tout, et... Et on s'est revus plusieurs fois. Et le truc, c'est que, voilà... Et donc, t'as joué double jeu? Hein? Donc t'as joué double jeu? En quelque sorte, ouais. Ok, vas-y, viens en bas. Hein? Mais non, je peux pas, là. Mais viens en bas. Je peux pas. Mais viens en bas ou viens en bas? Je peux pas. Viens. Je peux pas, je t'ai dit. Et Sarah, elle est où, là? Je sais pas. Bon, vas-y, allez. Vas-y, viens, je veux jouer en bas. Tu sais, tu vas me casser les couilles. Ça, j'aime pas, viens, je m'amène les nerfs. Je suis pas chez moi, je te dis. Ah, ah oui, elle est sanguine, c'est bien. On y retourne. Mais pourquoi elle te dit viens en bas? Vous habitez dans le même immeuble? On habite à quelques. Tu lui dis que t'es chez ta copine, t'es chez la nouvelle. Ouais. Ah non, mais j'habite pas là-bas. T'es amoureux. T'as un appart, t'es okay. Riche. À l'hôtel. T'as l'argent, t'as un hôtel. À l'hôtel, ouais. T'as pris l'étage. Je suis mariée carré ou quoi? Allô? Allô? Ouais, raccroche pas, s'il te plaît, je suis en train de te parler. Allô? Elle a encore raccroché. Je crois qu'on va pas y arriver là. On en est où sur les likes du chien en fait? Eh ben on a passé les 5000 likes. Oh merde, on va devoir rappeler le jeune homme. On va le rappeler. Bon, Alain. Oui. On y retourne. Comment tu peux t'appeler Alain à 18 ans? Qu'est-ce qu'ils ont eu tes prénoms? C'est quoi? C'est un choc thermique? Comment on peut appeler son fils Alain? C'est, ouais, voilà, en quelque sorte. C'est Alain, c'est le nom d'un oncle, c'est le nom d'un grand-père, pas le nom d'un fils. D'accord. Mon grand-père. Allô? Allô? T'es où là? Je suis pas chez moi, je te dis. Mais dis-moi, t'es où? Eh mon amour, tu. Ah pardon, ton téléphone. Je suis à l'hôtel. Mon amour. Mais dis-moi, t'es où? Mon amour, t'es au téléphone là? Je suis à l'hôtel, je te dis. Ah, tu me réponds. Eh! Oui. T'es avec qui là au téléphone? C'est quelqu'un, c'est compliqué. Vas-y, raccroche là, on n'a pas que ça à faire. Tiens, c'est faux. Allez, viens là. C'est faux. Bon, vas-y, dis-le à elle de fermer sa gueule déjà, dis-moi, elle est c'est où? C'est qui Sarah au téléphone là? Bon, vas-y, elle est où? Allez, Sarah. Allez, amour, dis-moi où c'est. Dis-moi, elle est où, Sarah, je parle pas avec toi. Dis-moi, elle est où, Sarah. J'en sais rien. Vas-y, passe la main, passe la main. Allô? Allô? T'es qui toi? Elle est où, Sarah? T'es qui toi? Bon, tu sors avec Alain? Oh, je te parle, réponds-moi au moins. Tu sors avec Alain? Oui, je sors avec Alain. Et depuis combien de temps? Ça te regarde? Depuis combien de temps? En quoi ça te regarde? Bah, parce que ça me regarde, parce que Sarah, c'est ma sœur. Et alors? Et alors, il était avec elle. Et ah, bah super, génial, bah maintenant il est avec moi. Ok, d'accord, bah vas-y, ouais, bah pas pour longtemps, vas-y, allez où, Sarah? Tu sais pas qui je suis? Non. Tu sais pas qui je suis? Non, franchement, j'en fous. La honte pour toi. Bah vas-y, t'es qui? Je suis Julie, je travaille avec Koé tous les soirs. Sur Énergie. Ok, cool. Vas-y, elle est où, Sarah? Et t'en as rien à foutre? Oui, elle est où, Sarah? T'en as rien à foutre? Complètement. Mais tu me parles pas comme ça, hein? Je vois, elle est où, Sarah? Mais je m'en bats les couilles. Eh, ça va, tu vas te calmer, là, Mariono, là. Bon, elle est où, Sarah? J'en sais rien où elle est, ta sœur, moi. Bah, vous êtes où, là? J'en ai rien à faire de là où elle est. Ça va, laisse-moi tranquille, je suis avec son mec, c'est fini avec elle, il en a plus rien à foutre, maintenant il est avec moi. Eh ben, tant mieux, alors. Eh ben, je m'en bats les couilles, alors. Ah, oh, ferme la Airwick, là. Je sais pas comment tu t'appelles. C'est quoi ton prénom, déjà? Vas-y, je m'en bats les couilles, je sais pas ce qu'est mon prénom. Vas-y, t'es où? C'est quoi? Vas-y, je sais pas ce qu'est mon prénom. Vas-y, t'es où? Il est où, Alain? Eh, mais t'es relou, toi, hein? Il est où? Tu sais dire que ça? Il est où? Passe-moi, Alain. Non, j'ai pas envie de te le passer, je te le passerai pas. Passe-moi, Alain. Non, je te le passerai pas. Je peux rester des heures comme ça, hein? Non, j'en ai rien à faire. Oh mon dieu, vas-y, donne-moi. Vas-y, dis Alain, je suis en bas de chez lui là. Alain. Bon, elle est relou, hein. Ouais. En fait, elle crie pas. C'est t'es où? Ouais, mais je pensais qu'elle allait crier plus que ça en fait. Bah non, vas-y, ferme ta gueule, Alain, t'es en train de me casser les couilles. La tête de ma mère, ferme ta gueule. Elle s'énerve maintenant. En fait, elle parle qu'à lui. Les autres, elle s'est dit. Et après, elle parle qu'à lui. Je m'en bats les couilles des gens, moi, je leur parle pas. C'est des narvolos que je m'en bats les couilles. Et tu fais comment dans la boutique? Ouais. Faut être gentil avec les clients. Ouais, parce que chez Sephora, faut être sympa. Moi, j'ai une carte de réduction. Ouais, hein. Moi aussi, j'ai la carte de Mac. Moi, j'ai une carte de 25%. Hein. D'accord, c'est bien. Je crois qu'on a dû lui faire 1000 fois, la pauvre. Bah, en même temps, elle s'appelle Sephora. Ouais. Bon, bah, c'est joli. Alors, ils hésitaient avec Carrefour. Et alors, t'aurais un frère qui s'appellerait Darty, on aurait des raisons de se foutre de sa gueule. Excuse-moi, c'est un prénom de merde. C'est bon, tu t'appelles joli. Mais non, mais c'est moche. Enfin, excusez-moi. Comment ça, tu t'en bats? Tu peux accepter qu'on trouve que Sephora, c'est un prénom bizarre. Tu t'appellerais Esso ou Elf, ce serait pareil. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Koé. Bon, c'est pas mieux, mais et c'est bah mon voilà, nom. Et bah alors, Koé, le truc le plus pourri au monde aussi. Je parle de mon nom, mais Koé. Ah, c'est fou, comme t'as plus d'arguments, tu commences tes phrases et tu fais. Hey, Koé. Je t'appelle Koé. Bon, t'as du fond de teint? Moi, je vais vous prendre du fond de teint, un petit peu de Ricil. Et un parfum. Vas-y, ferme ta bouche, là, je m'en bats les couilles. Ah, oh, les conseillères en vente, elles sont pas sympas en ce moment, je sais pas. Ah non. On m'en va bien. Ça fait pas de la bonne pub. Alain, t'avais raison. Hein. T'avais raison, c'est un peu, elle est un peu compliquée. Elle est compliquée. Elle est compliquée. Ouais. Ouais. Ouais. Mais alors, lui, il est compliqué. Alors, lui, il trompe sa meuf, il est compliqué. C'est une blague. C'est une blague. C'était une blague, en fait. Sephora, c'était une blague. D'accord. C'est une blague. T'es en direct sur Énergie, là, en fait. Il est où, Alain? Sephora, allô, allô. Allô. Ouais. Ouais, ta gueule, Alain. T'as pas compris le principe. T'es en direct sur Énergie, c'est une blague. Mais ta gueule, Alain, regarde bien la tête de ma mère ce soir quand je. Elle veut pas comprendre, je pense, Alain. Ta gueule, Alain. T'as pas compris, t'as toujours pas compris. On est en direct. Non, non, je comprends pas. Mais viens, je t'attends, je suis en bas de chez toi, Alain. Bon, Alain, on t'embrasse. Bonne chance, Alain. Canard WC, on te fait un bisou, d'accord? Bon courage, Alain. Bisous. Alain, Alain, Alain. Ouais. Au revoir, à bientôt. Salut, Alain. Merci, quoi, c'est salut, Sephora. Oh, lui, ça va me chercher, Alain. C'est un truc de fou, là, je sais même pas où il est. Au revoir, Sephora. Ouais, allez, ciao, les horaires de fermeture, ça ferme à 20h. Mind-toi. Eh oui, bravo. Fais ces gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie. J'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes. Tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Olivier, comment ça va? Ça va. Olivier, à 5000 likes, le Doberman était à la maison. On a lancé la photo, on est à combien, Guéguette? 9500 likes. Ça fait presque deux Doberman. C'est génial. On n'avait pas dit ça, s'il y a 10 000, c'est qu'il en prend deux. Il n'y a pas 10 000, c'est un Doberman et un York. À bientôt, Olivier. Maintenant, débrouille-toi, elle est obligée de dire oui. Bah oui. Salut, mon pote. Si des fois on peut vous aider, n'hésitez pas. Envoyez-nous ça, coyatenergie.com. Bougez pas, on revient dans deux minutes. Sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Allô Lionel? Oui. De Secondigny dans les Deux-Sèvres? Oui, c'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Ah, c'est Manu sur Énergie! Oui! Bah tu peux, je vais doubler ton salaire, 1050 euros, c'est ce que tu touches chaque mois, fois 2, bim, 2100 euros pour toi Lionel. Ah merci, mais vraiment merci Énergie quoi. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9.

Leclerc. Wow, maman, c'est quoi tous ces packs d'eau ? De l'eau minérale naturelle des Alpes Tonon à 6 euros les 4 packs chez Leclerc. Ah ouais ? En plus, c'est un produit partenaire du jeu La Ligue des Supporters. 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un maillot de foot pour ton père. Non, cool ! C'est parce qu'il y a des produits dont on ne veut pas manquer que du 1er 11 juin chez Leclerc, les 4 packs de 6 bouteilles d'un litre 5 d'eau minérale naturelle des Alpes Tonon sont à 6 euros, soit 17 centimes le litre. 20 modalités dans les magasins participants. Elle est super bonne cette eau minérale. Elle a le bon goût des Alpes. Disney présente... Bonjour, Alice. Ah, Alice de l'autre côté du miroir. Retrouvez des personnages légendaires. Absolument. Alice, tu es revenue. Chapelier. Je vous connais. Pour une course contre le temps. Le temps est une personne, il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Ce n'est pas du tout rassurant. Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anna Taoué, Sacha Baron Cohen. Jeune fille, votre temps s'est écoulé. Alice de l'autre côté du miroir. Produit par Tim Burton. Accrochez-vous bien. Actuellement au cinéma. Avec énergie. Nous passer les 2 700 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je vous dirai ça au fur et à mesure. Mais sinon, si vous voulez que je vous ramène Kev Adams chez vous à la maison, vous avez jusqu'à aller à la louche dimanche pour vous inscrire, c'est ça ou pas? Vendredi, j'aurais dit moi. Ah, vendredi? Ah ouais. Ah ok, donc plus que 2 jours. Ouais. Vous voulez que Kev Adams vienne chez vous et que je vous l'amène chez vous à la maison, inscrivez-vous et allez-y sur energie.fr, il y a un formulaire, vous le remplissez. À remplir et je vous l'amènerai, on fera toc toc toc et puis ensuite... On vous prévoit après Kev encore un truc plus... Enfin, non, pas plus, rien à voir. Rien à voir. Mais ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Ça fera plaisir. Ouais, ça fera plaisir. Beaucoup de filles, on peut dire. Ouais, ça fera plaisir. Allez voir les toc toc toc, on va vous les remettre les uns après les autres. La Louane qui cartonne, il y a Kenji, il y a Kinvey aussi. Si vous ne les avez pas vus, vous venez de découvrir, allez les mater sur notre chaîne YouTube. On va vous les réunir bientôt. On va faire un truc spécial toc toc toc, wow. Où ils seront tous les uns après les autres. Adeline, dans un instant, de quoi on parlera, Adeline? Adeline! Pardon. Viens à moi, qui suis-je? Ça va, Adeline? Oui, ça va, et toi? Oui, bah oui, ça va. Oui. De quoi on parlera dans un instant, ma belle? Des séances des conduites de la Côte de la Route. Des séances des conduites de la Côte de la Route. Pas on est bien barré. Si, des conduites de la Côte de la Route. Mais t'es de quelle origine? Marseille. D'accord. Ah, d'accord. Okay. Alors, ne bouge pas, faut qu'on se parle. Il y a un problème. On en parle. Non, c'est le stress. C'est qu'il fait d'un seul coup, elle a changé de pays. Elle est de... Voilà, c'est les télécodes. Voilà. Tilly, ne bouge pas. Dans un instant, allez, s'occupe de toi. D'accord? Pas bouger. Manger un morceau. Julie, parle, dis quelque chose. Pietre, la bouche pleine aussi. Ah, attends, Kev, dis un truc, Kev. Toc, toc, toc, c'est qui? C'est Kev Adams. Inscrivez-vous sur énergie.fr et peut-être que je débarque chez vous avec Koé. Yeah! J'ai pas fini ma bouche. Redis-le. Toc, toc, toc, c'est qui? C'est Kev Adams. Inscrivez-vous sur énergie.fr et peut-être que je débarque chez vous avec Koé. Mmh. Yeah! J'ai fini. C'est bon. Je voudrais féliciter Julie. Oui, au revoir. Qui a donc commandé ce soir. Et qui a changé exprès, hein. Qui a changé de nourriture et qui a commandé, Pietre fait bien de le dire exprès. Oui. Elle a commandé des makis mozzarella basilic. Ouais. Et ça fait 20 minutes qu'elle enlève tous les morceaux de basilic du truc parce qu'en fait elle trouve que c'est bon un makis basilic mais sans basilic. Voilà. Et oui. C'est la salade Julie, que j'enlève. Je te connais, je t'ai jamais vu manger un plat tel qu'on te l'avait apporté. Jamais. Si ça m'arrive. Mais jamais. Non. Mais là, ce week-end, là, je vais lui faire découvrir le Welsh là dans le Nord. Tu vas voir, elle va me trier le fromage, du jambon. Elle va. Ça va être quand c'est à base de truffes, je mange tout. Oh, excusez-nous. Pardon. On avait oublié Carferré, Boulogne. Bien sûr. SDF. Sans difficulté financière. Pardon, excuse-nous. Adeline, 25 ans, Marseille. Raconte-moi un petit peu. T'as eu ta première leçon de conduite. Comment ça s'est passé? Bah en fait je vais l'avoir le lundi matin et j'aimerais avoir quelques conseils pour tu vas l'avoir. Quand je vais commencer. Ouais, je vais l'avoir. D'accord, t'as jamais conduit de ta vie? Non. Ah. Et t'as peur là? C'est la première fois. T'appréhendes? Oui, stressée et un peu peur. Eh bah t'es dans la merde, tu es parti pour 50 heures de conduite avant de passer ton permis. Ah il faut surtout pas, ouais. Plus t'es stressé, pire c'est. Mais tu crains rien parce que t'as le moniteur juste à côté de toi avec les pédales, non? Bah oui, mais si t'es mauvais, t'es mauvais. Hein. T'as jamais essayé de conduire ne serait-ce que 2 mètres, tu vois, le côté de j'embraye, je lâche l'embrayage pendant que j'accélère. Sur un parking? Non, parce qu'en fait, c'est compliqué avec mes frères, je veux pas trop passer la voiture en fait. Donc, t'es en train de me dire que tu vas découvrir une pédale d'embrayage, une pédale d'accélérateur. Bah, une première fois pour oui, tout. Ah ouais, t'es parti pour 50 heures. Ouais. Pourquoi? Bah parce que les gens qui ont déjà conduit un tout petit peu, déjà c'est un peu galère. Mais ils peuvent tenir les 20, c'est 20 ou 25 heures? Les 20 heures. 20 heures, ouais. Mais quand t'as jamais conduit et qu'on t'apprend l'embrayage, le machin, le temps de faire les. Ouais, mais il faut bien que tu commences un jour ou un autre. Ce sera pas 20 heures. Hein. Ça veut rien dire. Après, si, mais c'est plus elle va stresser, pire ça sera. Après, avant de passer mon permis, j'avais pas conduit beaucoup. Hein, et, moi, j'avais conduit. Mais t'as un mec, c'est différent. Bah, mais tu l'apprends vite, l'embrayage. Moi, je conduisais depuis l'âge de 12 ans. Et c'était l'époque où, pardon, hein, ça fait un peu vieux con, mais t'étais pas obligé de passer 20 heures. J'ai passé 3 heures de conduite. Mais non. 3 heures de conduite. Tu pouvais faire ça? Ouais. Et le mec m'a dit, je vais quand même vous en faire 3 parce que sinon ça passera pas. Et j'ai passé l'examen et je l'ai eu. Ah ouais. Ça a pas coûté. Mon permis, il a pas coûté très cher. Hein, ouais. Si vous voulez savoir, non, ça a pas été. Maintenant, ça coûte une blinde. Ça a pas été très violent. Bon, Adeline, il faut que tu te détendes. D'accord. Alors, les mains. 10h10 sur le volant. Faut attacher sa ceinture d'abord. Tu comprends ça déjà? Oui. 10h10. On attache sa ceinture. On règle ses rétroviseurs, voire à droite, gauche, celui du milieu. D'accord? Okay. Et quand on regarde dans le rétro, on ne regarde pas avec son œil, on tourne bien sa tête. Ouais. Pour Pour que l'inspecteur voit que tu as regardé à gauche et que tu as regardé à droite. Et on n'oublie pas les angles morts. Oui. Voilà, on amplifie son mouvement de et tête. Et on ne suce pas l'inspecteur non plus pendant que tu conduis le moniteur. Après, tu ne vois pas bien la route. Voilà. Et quand on est dans une voie de décélération, on est sur une nationale, on va aller sortir, on ne freine pas tant qu'on n'est pas sur la voie de décélération. Exactement. On freine quand on est dessus. Mais la bouteille de whisky, tu la bois après l'heure. Non, mais tu sais que tu peux niquer ton permis. T'es sur la nationale, le gars il te dit prenez à droite la voie de décélération. Si tu freines sur la nationale et que tu vas à droite, il peut te niquer le permis. Ah, je sais pas, c'est éliminatoire ça. Bah oui. Ça peut l'être, bien sûr. Tu ne freines que dessus. Et, et comme à l'inverse, une voie d'accélération, tu accélères et quand tu as atteint la vitesse, tu te rabats, mais tu te mets pas tout de suite sur la nationale pour accélérer. Oh là là, mais moi je serai un carnage en voiture. Toi, oui. Ah, tu seras un danger public. Mais tu suceras le mono pendant que tu conduiras. Non, mais il faut que tu te détendes. Ah ouais, il y a Steven qui nous dit il a raison par SMS. On règle d'abord son siège en premier. Ouais, bah, oui. Le dos, les lombaires, si on peut, tac, l'avancée, parce que des fois il y en a qui ont des petites jambes, des grandes jambes. Mais maintenant, il paraît qu'il faut même ouvrir le capot et tout. Hein. Ah ben oui, il faut faire les limites, les niveaux de vide et tout maintenant. Ouais. Mais c'est bien, comme ça, tu sais comment ça marche. On peut te demander de changer la roue. C'est vrai. Ah oui, mais non, S'il me le demandait à moi, il serait pas déçu. Ah bah ouais, y a rien de compliqué à changer une roue. Hein. Bah non, mais je te confirme. C'est juste chiant. Ouais, bien sûr, rien de compliqué à changer une roue. Attends, t'es un bonhomme ou quoi? Mais il n'y a pas des clés pour les écrans qui volent. Tu peux aller mourir dehors, s'il te plaît? Parce que tu n'as pas toussé pendant une heure. Elle a avalé son pouce, elle a sucé son pouce. Elle est allée trop loin. Ça va? Elle a fait un deep throat du pouce. Bon, voilà, que je te dise. Attendez, elle s'étouffe vraiment. Donnez-lui de l'eau. Mais je rigole pas qu'elle s'étouffe dehors. Donne-lui pas un bonbon, elle s'étouffe encore plus. Ouais, du sable. Bon, Adeline, détends-toi et ça va bien se passer, d'accord? Il y a du monde qui va t'aider. On le fait tout de suite la réaction ou après? Après. Après, bouge pas Adeline. Il y a du monde qui va te donner des conseils, d'accord? Ok. Ne bouge pas. Il y a un chauffeur routier qui nous dit le principal en conduite, c'est l'anticipation. Exactement. Oui, Ghost 18. Merci Ghost 18. Allez-y tranquille. Ah non, mais c'est vrai. Il y a un qui dit sérieux, Julie prévoit un tube de dentifrice après le Welsh de Coé. Ah ouais, c'est carrément. Régulin. Ah ouais. Sans fort. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more kept moving that. Finir friqué, entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je prie sans bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor and so much more kept moving that way. Pendant que la police guette mon star, ghetto star, nécropolitain avec un bête de star. Let's go back to mine for a smoke and wine. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets, c'est ça même. Hey now, what a way to get it started. Hey now, I'm on the run. place. Youssoufa est dans la place. Tefa est dans la place. Boma est dans la place. Miami est dans la place. Kinshasa est dans la place. Paris est dans la place. Et ça fait bim bada bing, bim bada bing. Koué, 19h-22h sur Ilias. Il est là. Il est là, il est heureux d'être là. Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc toc. Qui c'est? Toc toc toc. C'est qui? Ah, c'est Kavadams. C'est Kavadams. Ah, dis donc. Inscrivez-vous sur energie.fr et peut-être que je débarque chez vous avec Koué. Oui. Yeah. On y va. Allez, n'oubliez pas le 16 juin, One Man au feu de la rampe à Paris, le showcase. C'est là que ça va se passer. Prenez vos places vite, hein, dépêchez-vous pour le showcase, le One Man à Paris. Comme ça, vous allez voir le tout nouveau spectacle. Si vous avez vu le premier, celui-là, vous allez le kiffer encore plus. Adeline, t'as peur de passer ta première leçon? On a Doris. Allô? Allô, Doris. Oui, mais qui êtes-vous? J'ai oublié qui vous êtes. Bonjour. Bonjour. Ça va, Doris? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, pause, pause, pause. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit référence Nemo. Bien sûr, Julie. Oui, pour ceux qui n'ont pas compris. Et c'est Doris. Oui. Et bah oui, mais d'accord. C'est ce que tu faisais. Ouais, ok. Non, vous êtes, non, mais, Doris, mais non, c'est le surnom, le minimum de Dora l'exploratrice. Ouais, Doris. Bon, alors, raconte-moi un peu, Doris. Vas-y, file-lui du coup de main. Bon, et bien, déjà, je vais donner un exemple. Donc, moi, concrètement, je travaille dans une entreprise qui met un petit peu le souk actuellement en Ile-de-France au vu de la circulation aujourd'hui, que je nommerai pas. Mais j'ai le permis pour pouvoir transporter des gens dans un autobus, pour te situer la chose. D'accord. Et au départ, j'ai quand même passé 3 fois mon permis de voiture. J'habite 3 fois. J'habite le 92, hein, faut savoir, donc à Boulogne. Et en fait, quand on habite Boulogne, à l'époque, je ne sais pas si ça a évolué, mais on passait son permis obligatoirement, pour les Parisiens, ça va leur parler, à Antony ou à Saint-Cloud. Ouais. Et à l'époque, j'avais un inspecteur qui s'appelait, comme le nom d'une ancienne série, Nava, je finirai pas la fin, du nom du monsieur Navarro. Voilà, exactement, c'est le nom de l'inspecteur, hein. Ouais. De l'inspecteur du permis de conduire de l'époque. Il s'appelait inspecteur Navarro, c'est drôle. Il avait un look de cow-boy, tu vois, avec des grosses bottes Santiago. Et j'aime bien parler. Voilà, ouais. Et en fait, mon profil à moi, c'est blonde aux yeux bleus avec forte poitrine. Oh, donc pour prétentieuse. On s'est rencontrés il y a quelques années sur une autre radio, Koué. Mais voilà. Si tu veux, je vais me souvenir de toutes les blondes à forte poitrine. Hein, j'ai croisé dans ma vie. J'imagine. Non, mais donc, c'est pour te dire que faut vraiment pas te sentir déstabilisé. C'est très facile à conduire. Moi, j'ai fait 35 heures en tout. J'en ai eu marre en Ile-de-France. Je suis partie en Bretagne le passé. Ça s'est beaucoup mieux passé. Ah, bah alors là. Là, t'as les routes pour toi, hors saison. Ouais, là, voilà, t'es bien. Alors, faut maîtriser l'aquaplaning, c'est tout. Faut pas rouler après 21h parce que c'est les Bretons eux-mêmes qui peuvent aller à droite et à gauche. Ouais, sur le coup, il paraît que c'est plus facile en province qu'effectivement dans les grosses villes. Et ben, oui. Alors, pour te dire, hein, moi, le permis de bus, j'ai été obligée de le passer en Ile-de-France, forcément. Je l'ai passé, ils l'ont fait passer il y a 2 ans, parce que quand on monte en grade dans notre entreprise, on a l'obligation d'avoir ce type de permis. Ouais. Et l'inspecteur m'a demandé pourquoi j'étais venue après avoir fait passer la première épreuve où j'avais eu 0 faute quand même. Hein. Parce que j'étais la seule femme, il était très surpris. J'ai dit oui, je viens pour conduire ce truc-là. Là. J'ai lâché. Donc, et je l'ai obtenu. Ah bon, non, d'accord, tu termines net par contre. Et donc, je l'ai eu. Bravo, bon, c'est bien. Voilà, Aline, t'as compris, tu vas la voir, ça va bien se passer. Mais faut aller en Bretagne. Je vais lire des messages, attends. Attends, il y a des messages qui sont arrivés, les filles. Moi, j'avais un forfait de 30 heures pour le permis, j'avais jamais conduit. Je l'ai eu du premier coup en 25 heures et l'auto-école a offert les 5 heures à ma grande sœur qui l'a eu en 60 heures. Wow. Ah ouais. Oh merde, elle avait 27 ans. Il y en a qui dit merci d'avoir lu mon message Coco, ok d'accord. 50 heures de conduite, n'importe quoi. Moi j'ai piqué la bagnole de mon père en 15 ans. En 2 heures, je savais conduire. Bon, 3 jours après, je l'ai repiqué, je me suis pris un mur. Et voilà. J'ai rien dit, voiture volée, gendarme, non, etc. Par contre, j'ai un conseil à te donner. J'ai un conseil à te donner si tu n'as pas passé le code. Je ne sais pas si tu l'as déjà passé ou pas. Vas-y. Elle a passé. Ah, bon, bah c'est bon alors. Parce je la relance pas. Vas-y, je t'écoute. Alors, il faut savoir que quand j'avais passé mon permis il y a longtemps et que j'ai dû le repasser il y a 2 ans pour le permis de bus, concrètement, il fallait que je repasse le code. Ouais. J'ai fait 2 heures de leçon et je me suis présentée le lendemain à l'examen et je l'ai obtenu. Donc, il faut acheter le jeu de DS pour s'entraîner pour le c'est code. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'avais acheté, ça m'a pas empêché de pas l'avoir. Il y a des trucs maintenant. Il y a des trucs sur internet maintenant qui sont les nouvelles questions et vous pouvez vous entraîner avec les nouvelles questions. Ah oui, en plus, ils ont changé. Il a changé. Voilà. galère. Et maintenant, et encore plus dur. Et maintenant, vous pouvez le passer à la poste. Vous avez vu ça ou pas? Ah bon? Oui, pour 30 euros. Vous, en fait, absolument. Vous allez plutôt que d'aller dans les centres de trucs de préfecture, vous vous entraînez chez vous. Et vous allez à la poste, on vous ouvre un truc d'examen et clac, clac, dans certes pas toutes les postes, hein, mais on vous ouvre et vous passez votre code à la poste. Et moi, je vais le repasser là-bas. Oui, moi aussi. Et, on fera on fait ensemble. Pour le repasser? Ouais. Moi, je le repasse. Ouais. Tiens, check. Vas-y. Ah bah, check. Check. C'est vraiment parce que t'as des mains de petite nana, sinon j'aurais fait. Donc, je le repasse. Moi, on le fait ensemble. Ouais. J'ai envie de le repasser, je veux passer le permis moto, j'ai besoin de repasser le code. Mais il faudra que tu révises avant, mec. Eh bah oui. Et hop, à la poste. Et en même temps, hop, je lâcherai des timbres. Ah, mais je savais pas qu'il y avait à la poste aussi. Bisous les filles, je vous embrasse. Ah, mais c'est super, c'est mais super. Mais oui, mais si je trouve aussi. Pour Doris, conduire les vélos là. Des facteurs. Bisous Doris. Merci. À bientôt, au revoir les filles. Il y a un mec qui me dit 10h10, c'est des conneries d'auto-école. Pour les positions du volant, il faut les mettre à 9h15. C'est vrai, c'est, très honnêtement, c'est plus 9h15 ouais, mais ça, que 10h10. Ça dépend le décalage horaire, ça dépend où t'es en fait. Et il a raison, tu mets jamais tes mains comme ça, tu les mets plus sur les côtés. Bienvenue, voici Deo. J'adore ce morceau. Ça sent bon l'été. Est-ce qu'on aura du Zougoulou ce soir? Oui, c'est sûr. Oui, c'est le Zougoulou qui est la vie. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. En train de jouer sur Snap, je peux pas tout faire. Oui, ouais, écoutez, j'étais en train d'écouter des oraux et ça me faisait marrer. Rejoignez-moi sur Snapchat aussi, Koé Off. Dans un instant, la suite, on aura le super jeu avec Samuel qui sera du côté de la Belgique. On est tous les soirs numéro 1 en Belgique. Je vous fais un gros bisou, les Belges. Je reviens dans deux minutes. Venez à Paris, assistez au grand show d'ouverture de l'Euro au Champ de Mars le 9 juin avec sur scène en direct sur Energy et TF1. Dès que vous entendez le double hit Énergie, David Guetta, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister à ce show énorme au pied de la Tour Eiffel. Ah, trop bien. Énergie, numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Leclerc. Maman, viens voir le prix de ma crème de jour sur le nouveau site parapharmacie.leclerc. Fais voir. Tiens, regarde, sur parapharmacie.leclerc, t'as toutes nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Waouh, génial. Oui, et le top du top, c'est qu'on va pouvoir commander nos produits de beauté et de santé en direct de la maison. Retrouvez de chez vous plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie sur le site parapharmacie.leclerc. La parapharmacie à prix Leclerc. Non mais regarde les prix, maman. À ce prix-là, tu devrais te prendre un anti-cerne, non? Tu trouves que j'ai des cernes? Non. Jean-Paul,

c'est chez nous. Merci d'être de plus en plus nombreux à être là. Zara Larsson sera notre invitée tout à l'heure. Elle chantera laquelle? Lush. Ah bon? Lush life peut-être. Flinch. Celle-là. Elle connaît les filles au premier regard. Elle chante pas celle-là? Non. Et elle chante pas celle avec David Guetta? Non. Il veut pas. Mais on l'écoutera. C'est con. Ouais, bien. Bah ouais, c'est bête. On l'écoutera, hein. J'avoue, ouais. Pourquoi elle veut pas le chanter? Bah, je sais pas. Ah, tu lui demanderas ou pire? Ouais, je lui demanderai. Ouais. On te connaît, hein. Ouais, je lui demanderai. Et Front Drive, c'est là? Tu connais pas? Ah, pas eh bah, il a une communauté, Front Drive. Et bah, les filles, ils sont notre invité. Hashtag et Front Drive chez Koé sur Énergie. Vous pouvez le faire tourner parce que ça y est, c'est bon, vous nous l'avez demandé, vous l'aurez. Il y aura Julian Peretta qui va passer aussi. Il demandera de changer les ampoules parce que vu la taille qu'il fait en plus. Ouais, t'as raison, pour l'ampoule. Rien qu'avec les cheveux, il fait les poussières du plafond, hein. C'est vrai. Il est grand. Il est grand. Il est grand. C'est un truc de fou ce qu'il est grand. Puis il te rajoute toujours des petites bottes et des machins, il est super grand. Samuel, 26 ans de Châtelet en Belgique. Ça va, Samuel? Ça va. Ouais, tout va bien. C'est où Châtelet? Je connais la Belgique, mais je connais pas Châtelet. C'est dans la région de Charleroi, en fait. D'accord, ok, bien. Ça va, t'es heureux? T'as une fiancée? T'as un chéri? T'es comment? Ça se passe dans la vie? Non, célibataire, ça va. Tu cherches quoi? On est bien. Célibataire, on est bien. Voilà, exactement. Tu cherches pas de nana? Si, mais ça viendra quand ça tombera. Je suis pas pressé. Alors, t'as raison. Quoi? Non, mais il a raison. Il est bien. Il y a un moment quand même. Il faut kiffer quand même. Mais il a pas dit qu'il avait pas de nana de temps en temps. Il a pas de nana. Ah. Ah oui. Voilà, c'est ça, en fait. Oh non, et des fois, il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Oui, c'est pas faux. Oh, ouais, non, mais c'est vrai. Bon, tu nous as dit, j'aimerais énerver mon pote qui s'appelle Calogero. Non, ça, oui. Il fait des noms chelous ce soir. C'est un surnom? Bah, c'est un prénom italien, je crois, Calogero. Non, ah c'est bon pas ça? Oh oui, Sicilien. Oui, Sicilien, oui, c'est un prénom à la base. Ouais. Oh. Il a 26 ans, je le connais depuis 4 ans. Nous avons une ex-petite amie en commun qui s'appelle Vanessa. En commun. Avec qui il a eu 2 enfants avec. Ça veut dire que qui est sorti avec l'autre d'abord? C'était moi en fait en premier. Je suis resté presque 4 ans. Et puis c'est lui qui est resté 4 ans avec elle. Et ça vous a pas dérangé? Non, en fait, c'est lui qui est venu à la base me reparler pour m'expliquer leur rupture et tout ça. Et puis on a sympathisé et voilà, on est devenu amis au fil du temps. Ah oui, c'était pas ton pote à la base. C'est le mec qui t'a piqué ta meuf. On se connaissait pas à la base. D'accord. Quand il était avec elle. D'accord. Ce qui l'énerverait, c'est si tu lui dis que t'es revenu avec la fameuse Vanessa en question. Voilà. Et que tu critiques sa nouvelle copine qui s'appelle Pauline, avec qui il y a une petite fille qui s'appelle Julia, c'est ça? C'est ça en fait. Et que j'allais au boîte-thème avec la Vanessa en question. Non. Attends, excuse-moi, je refais pour Pietre. Les deux, ils ont une nana en commun qui s'appelle Vanessa. Ouais. Donc il va l'énerver en disant qu'il s'est remis avec. Sauf que depuis maintenant, sa nouvelle copine s'appelle Pauline, il a une petite fille qui s'appelle Julia, c'est quand même enfin, pas compliqué. T'as des enfants avec Vanessa? Non, c'est l'autre. Vous faites exprès? Non, c'est l'autre. Il a des enfants avec Vanessa, c'est son pote. Et Pauline. C'est ouais, ça, hein? C'est lui. Il a eu... piégé, enfin, oui, lui, il a 2 enfants avec elle. Ah bah, c'est lui qui est piégé. On y va, voici les 5 phrases. Mec, faut que je te dise, je me suis remis avec Vanessa. Je vais venir avec elle au baptême de Julia. On vient pour toi, hein, parce que Pauline, on trouve que c'est une bouffonne. Il y a trop de prénoms. Vanessa, elle trouve que Pauline, c'est une pétasse qui se la raconte et je pense pareil. Et la dernière, de toute façon, elle a une tête de pute. Je suis sûr qu'elle te fait cocu. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça, c'est le summum de l'énervement. C'est la crème chantilly de l'engueulade. C'est la cerise sur le gâteau. Tu bouges pas, Samuel? Ah non, je reste là. Allez, on s'occupe de toi dans un instant. J'espère que tout va bien. Continuez de nous parler par tous les moyens, messages et tout. Et sur la chaîne YouTube, on vient de passer les 2 700 000 abonnés. Merci. Close your eyes. Close your eyes. You are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. heart, oh, you're so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh, bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Ta gueule, et moi ma mère, ça peut-être pas loin, ouais. Je sais qu'elle se fait sauter au café. Coué, 19h-22h, sur Énergie. Ah, ta gueule, moi ma mère, elle s'appelle pas ouin ouin. Ça, c'est une phrase, je crois que ce sera l'un des plus beaux. C'est la phrase de l'année, ouais. Ce sera l'un des plus beaux super jeux de ma vie. Ouais. Ta gueule, ma mère, elle s'appelle pas ouin ouin. Elle se fait pas sauter au café. Elle se fait pas sauter au café. Oh, quelle belle phrase. On n'aura jamais mieux. Samuel, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Il y avait des auditeurs qui étaient venus nous voir tout à l'heure. Ils étaient là. De où ils sont là? Qui c'est qui a fait coin? Ton vibro. C'est lui. Il y a des auditeurs qui sont venus de Guadeloupe. Mais non. De Guadeloupe, voilà, c'est ça? Quel coin en Guadeloupe? Le centre, Bémao. C'est à côté des Basse-Terres? Non, non, non. Ah merde, parce que la copie quand tu dis c'est à côté des Basse-Terres, on dit oui, c'est ça. Ça fait longtemps que vous avez quitté le soleil là, non? Ouais. Non, non, non, 9 jours. C'est ce que je leur ai dit, j'ai dit, mais vous vous exposez pas fort en fait. Ils sont plus blancs qu'à Picard. Vous faites quoi en Guadeloupe? On y habite. Oui, mais comme métier. Vous faites quoi comme métier? Moi je suis dans l'informatique et elle est esthéticienne. Oh. Ah ouais! Oh, putain, la belle vie! Hein. C'est cool quand même, la mer et tout, le machin et tout. Hein, quand tu sors le soir et tout, en short tout le temps, vous êtes quasiment. Non. T'es pas en short, t'es en pantalon? Fait chier d'être dans un endroit où il fait très beau et t'es obligé de mettre un costume. Ouais, c'est vrai. C'est mais même à l'école, ils vont en pantalon et tout. Hein. Bon, en attendant, Samuel, voici les 5 phrases à dire à ton pote Calogero. Vas-y, est-ce que tu peux me les répéter? Oui. Mec, il faut que je te le dise, je me suis remis avec Vanessa. Je vais venir avec elle au baptême de Julia. On vient pour toi, hein, parce que Pauline, on trouve que c'est une bouffonne. Vanessa, elle trouve que Pauline, c'est une pétasse, et qui se la raconte, et je pense pareil. De toute façon, elle a une tête de pute, si sûr qu'elle te fait cocu. Ouais, refais-moi la dernière phrase, parce que là on sent pas le vécu. Ouais, la dernière aussi. Vas-y, hein. Vas-y. De toute façon, elle a une tête de pute, et je suis sûr qu'elle te fait cocu. J'ai comme l'impression, mon pote, que tu vas pas me le faire dans la violence, ce super jeu. J'ai l'impression que tu vas me le faire en douceur. En récitation. Non, ça va aller, mais. Ouais, en récitation, je le sens ici. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Allez, go. Allez, go, go, go, go, go. Ça sonne pas, c'est normal. La Belgique, c'est toujours long. La Belgique, c'est toujours long. Merci pour cette leçon. Ouais. Permis. De rien. Et arrête de toucher dans tes micros allô. Comme ça. Allô, Calo ? Ouais, ça va ? Ah, ça va, c'est moi. En fait, je t'appelle parce que je t'avais dit que je devais te parler d'un truc important. Je peux pas regarder pour moi, donc il faut que tu peux t'asseoir, soit t'es assis ou il faut que je te parle de mon important. En fait, voilà, il faut que je te le dise. Je me suis remis avec Vanessa. Ah, ça va, tant mieux pour toi alors. Oui, mais voilà, il fallait que je te le dise, que je peux pas regarder pour moi. Et comme je vais venir au baptême de Julia, ben elle va venir avec moi. Ah, alors non, il faut pas venir avec elle alors. Bah si, faut je suis avec elle, non, je vais venir avec elle. Toi oui, mais elle, non, je ne l'ai pas invitée, toi. Logique. Non, je m'en bats les couilles, je viens avec elle, tu vois. Je suis avec non, elle, faut pas venir avec elle. Non, avec elle, non. Ouais, moi, je m'en fous de ce que tu penses, moi, je viendrai avec elle, tu vois, il faut qu'elle soit là, tu vois. Ouais, mais tout à l'heure, tu t'arranges avec Pauline, moi, je m'en fous, toi. Moi, je m'en fous, je viendrai quand même avec elle, tu vois, il faut qu'elle soit là, quoi. Non, elle doit pas être là. Il y a que toi, oui, mais pas elle. C'est important. Si on est ensemble, tu vois, il faut qu'elle soit là. Tu vois, je peux pas. Ouais, je disais que c'est important pour toi, mais faut pas venir avec elle, toi. C'est logique. Ouais, mais je peux pas venir avec elle, tu vois. Et... Donc voilà, donc. Et puis on vient avec toi Pauline. Ah non, mais de toute façon on vient pour toi, hein, parce que Pauline, de toute façon, on trouve que c'est une bouffonne. Non, c'est pas une bouffonne, Pauline. Pourquoi c'est une bouffonne? Si, c'est ce qu'on pense, tu vois. Parce qu'on pense ça tous les deux, tu vois. Bah si, c'est ce qu'on pense, tu vois. Tu penses ça avec elle, avec ta pauvre fiasse, mon fou, toi. C'est une grosse bouffonne, tu vois. Il fallait que je te le dise aussi, tu vois. Non, non, c'est pas une bouffonne. Elle, la bouffonne, je vais aller ça, c'est pas elle. Non, non, mais voilà, quoi. Donc, voilà. Je préfère te le dire. Et voilà. Et puis Vanessa trouve que Pauline, c'est une pétasse quand même, tu vois. Et qu'elle sera la grande, et moi, je pense pareil. Oui, ce que tu penses pareil. Bon. On m'appuie. Ouais, je pense pareil. C'est quelque chose que ça va pas, là. C'est pas possible. Tu penses ça. Ça, tu l'aurais déjà dit depuis longtemps. Comment? Tu l'aurais déjà dit depuis longtemps, je dis. C'est pas la même chose. Ben oui, mais depuis que je me suis remis avec, tu vois, c'est... C'est pas Pauline. Non, mais depuis que je me suis remis avec, tu vois, c'est différent, tu vois, donc... C'est quoi qui change, tu vois. C'est quoi qui avec. Comment? C'est quoi qui change si tu es remis avec elle? Ben, je pense... Enfin, je pense que ce qu'elle dit, c'est vrai, quoi, tu vois. Tu crois? Moi, je crois pas. Ben si. Et puis, de toute façon, elle a une tête de pute, donc je pense qu'elle te fait cocu. Non, je ne fais pas cocu, elle. Non, non, je sais bien comment elle est, je la connais super bien. La pute, c'est l'autre, là, Vanessa. Si, c'est une tête de pute, tu vois, il faut dire ce qu'il y a. C'est ça. Mais ça va. Okay. Ah, si, à vous, à vous quand même. Il a quand même une tête, il a quand même une tête de pute, hein. Ça, c'est à un moment donné, tu peux le dire. On est tous d'accord là-dessus, hein, une tête de pute, sans à mon avis, en dérouler du câble. Hein. Ça, c'est sûr. Pas tous t'es grillé, hein. Comment? Tu passes à la radio, en fait. Non, mais en même temps, si ton copain il grille avec d'autres tensions en étant tout mou, on n'y arrive pas, hein. C'est pour ça qu'il se marre. C'est pour ça que t'es mort de rire depuis tout à l'heure aussi, tu pouvais pas nous le dire. Il a grillé. Tu pouvais pas nous le dire, hop, on serait passé à un autre. Plutôt que de continuer un truc mou, là. Ah ouais, il était mort de rire, bah voilà. Ah bah voilà. On écoute Fun Radio aussi, tu sais. C'est énergie. C'est-à-dire que si vous écoutez énergie et que vous dites que c'est Fun Radio, c'est con. Ouais. C'est con. Voilà. C'est-à-dire que quand c'est drôle, c'est nous, sinon c'est les autres. Oui, c'est ça. Vous voyez? La première émission de Belgique le soir, c'est énergie, c'est pas Fun Radio. Ouais. Et puis si vous dites ça quand vous faites les sondages. Non, alors écoutez-moi, j'ai l'impression qu'il y a un cerveau pour deux. Ouais, ouais. Non, si vous écoutez énergie et que quand le téléphone sonne, vous dites oh, j'écoute Fun Radio, il me faut rire. Non, c'est pas Fun Radio, c'est énergie, effectivement. Ah, oui. Ah ouais, bah oui. Mais alors vous écoutez énergie ou Fun Radio? Ah non, énergie. Ah bah alors. C'est ton vibro qui repart. 0-0, tout à l'heure, je crois qu'il y a la vibro qui est. La fréquence, c'est recharge-le, recharge-le. Bon, je vous embrasse, c'est perdu, tant pis. Ah bah oui. Ah oui. Tant pis, c'est perdu. Bah ouais, c'est toi qui as prévenu. Bah ouais, bah fais ce que tu veux, je m'en fous les couilles. C'est toi qui as prévenu. Il y a personne qui a prévenu, on écoute. Bah non, ils ont cramé le truc. Ouais, ils écoutent. On aime aussi. Tout le monde écoute énergie le soir en Belgique. Et ça mériterait un cadeau, hein, franchement. Ça mérite quoi? Bah ils écoutent tous les soirs. Ouais, mais ils se trompent de nom quand on leur demande. Ouais. Bah ouais. Ça mérite un demi-cadeau. Ah non, alors. Ça, c'est rigolo. C'est quoi, leur appel fun quand... et leur... qu'ils ont bah ouais, un cadeau. Tiens, tu sais quoi, moi je t'offre un cadeau, c'est fun qui va te l'offrir. Donnez le numéro du standard, tu vas te débrouiller avec eux. Hein. Attends, pas de raison. Je vous embrasse, allez, vous allez dealer un truc au standard, oui. On va vous filer un des cadeaux. De bisous télé. Tout le monde, à bientôt. Bisous. La radio numéro 1 en Belgique tous les soirs, c'est. Énergie. C'est bien, il a fallu du temps, mais c'est bien, on y est, ça y est, on les a recalés, ils sont prêts. Hé! C'est le Zougoulou qu'est la vie. Koué, 19h-22h sur Énergie. On est là. Yeah papa, Redouane Bouguerraba. Yeah maman, Tony Saint-Laurent. Yeah bébé, c'est Koué. Ce son c'est pour tous les chanteurs disparus des tubes de l'été. Tragédie. Colonel Réal. La Rousseau, tu m'oublieras. On l'a oublié dès le premier refrain. Direct. Bougez les fesses de droite à gauche sur du Zougoulou, Zougoulou. Bourré. Tu vas zougoulou, zougoulou, mytho. T'as rien dans les poches. T'as du zougoulou, zougoulou. Fatoumata et Tamaté. Est-ce que tu m'entends? Et bouger les fesses de droite à gauche. Sur du zougoulou, zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas zougoulou, zougoulou, mytho. T'as rien dans les poches. T'as du zougoulou, zougoulou. Y'a qu'à l'élo, y'a qu'à l'élo. Assis, patapate. C'est pour les papichoulos. à zéro. Mets-moi un mojito, c'est 25 euros. Mets-moi une Antalo, c'est 24,90. On va aller boire l'eau du robinet. One get it, one get it, wow. Bouger les fesses de droite à gauche. Surtout Zouglou, Zouglou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas Zouglou, Zouglou. Mytho, t'as rien dans les poches. T'as du Zouglou, Zouglou. Dance, soca dance. Tu t'es mis au régime en dansant la Zumba. T'as fini au camping à manger de la pizza. Je vais pourrir ton été, tu vas l'entendre mille fois. On va être plus rediffusé que Cyril Hanouna. Mais t'es un fou là, mon numéro. Mais vous êtes des malades. Bouger les fesses de droite à gauche. Surtout Zouglou, Zouglou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas Zouglou, Zouglou. Mytho, t'as rien dans les poches. T'as du Zouglou, Zouglou. Sous le soleil des tropiques. Vas-y Francky, c'est bon. Tous les rebeux, danse des épaules. Tous les renois, danse des fessiers. Tous les kebabs, tous les chinois, Gangnam Style, tous les roumains, danse de la main, tous les nains, danse sous la table, tous les hindous, danse de la rose. Et Koué, on connaît tes techniques en soirée pour les... Tu avances vers la petite, tu attrapes la petite. Hey, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite, Koué, Koué, Koué la petite, Koué, Koué, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite. Non mais lâche-la la petite. Bouger les fesses de droite à gauche. Zouglou, Zouglou, bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas Zouglou, Zouglou, mytho, t'as rien dans les poches. T'as du Zouglou, Zouglou, Saka, Africa, on va tomber la chemise. Zouglou à gauche, Zouglou à droite. Zouglou à gauche, Zouglou à droite. Zouglou en bas, Zouglou en haut. Zouglou en bas, Zouglou en haut. À gauche, en bas, à droite, à gauche, en bas, en haut. À droite, en haut. Bouger les fesses de droite à gauche. C'est le Zouglou qui est la vie. Le clip est tourné. Waouh, il est claqué ton type. Tout claqué. Le clip est tourné, on l'a fait aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on va s'en occuper là dans les jours qui viennent, vous allez le voir. Ouais. Le clip de Zouglou, c'est ça qui est la vie, vous allez kiffer. Vous avez vu que Snapchat, ça y est, c'est fait, a dépassé Twitter. Il paraît, ah ouais, ouais. Truc de ouf. C'est incroyable. Hein. 150 millions d'utilisateurs et Twitter en a 140 millions. Vite, bah, Twitter, ça grimpe plus. Hein. C'est-à-dire que très honnêtement, tu vois bien que la courbe, ouais, elle est plus. Ouais. Voilà, les utilisateurs de Twitter maintenant, tu sens que. Snap, tu peux pas voir le nombre de personnes qui te suivent. Non, mais tu vois le nombre de vidéos que tu fais, le nombre de trucs. Nombre de vues. Comment tu fais quand tu mets une vidéo, toi? Moi, je me rends pas compte ce qui vient de ce que tu veux dire. Ça va faire un mois que j'ai pas été sorti. Guéguette. Mode 10 000. Ouais, c'était au taquet, j'étais à ça aussi. Ah, c'est bien. Moi, je pense que c'est 60 000, mais je sais pas si c'est bien ou pas. Bah, si, c'est énorme. Non, je crois pas que ce soit génial, 60 000. Mais t'en as beaucoup aussi, toi, d'abonnés. Non, non, je sais pas. Savoir, ouais, je sais pas. Avec Instagram. Je t'avoue, j'ai un peu de mal avec ça. Mais en bas compte si c'est bien. Avec quoi t'as du mal? Avec Snap. Pourquoi? Au contraire, c'est facile. Ouais, je sais pas, je vois pas trop le. Y a pas le réflexe. J'ai pas moi, le réflexe. J'ai que des zizi, j'en Insta, ai j'adore. Oh, du Julie, tu peux pas dire dans cette même phrase. J'ai que des zizi suivi de j'en ai marre. Regarde, alors, Julie, c'est la première à dire ouais, oh, Snap, moi je vais jamais et tout. Et elle passe ses émissions à nous montrer les zizi qu'elle reçoit. Parce que je viens, regarde. Il y a qu'en émission que je vais voir Snap. D'ailleurs, je voudrais dire que c'est quand même grâce à nous que Snapchat a 150 millions. Hein, parce que c'est grâce aux 149 millions de tubs que Julie a reçus ces derniers mois. Donc n'oubliez pas, une tub envoyée, un enfant sauvé et Snapchat qui a dépassé Twitter. Voilà, tout ça c'est grâce aux zizi de Julie. T'en as reçu ou pas là? Ouais, j'en ai. Bah, pas là, mais cet après-midi je vous en ai montré. Ouais, ouais. Mmh, ouais, trop d'ailleurs. T'es contente ou pas? Faut te les garder, là, tu vas recevoir. C'est là. Dégoûtant. Tu voudrais pas qu'ils écrivent ton nom dessus? Steph a reçu son premier Snap Zizi. Hey. C'est vrai? Ouais. Ouais. Et alors? Elle était contente. C'était pas mal. Ouais, mais bon, pas tous les jours quoi. Ça, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Les mecs, ils envoient des photos de leur zizi, alors que les filles, elles t'enverront pas des photos de leur sein. Ah, mais j'ai eu ma première photo. Bien sûr, j'aimerais recevoir des photos de sein, évidemment, comme tous les mecs. J'ai eu ma première. Mais j'en ai aucune, moi. Elle était dégueulasse. On aurait dit un pec. Elle était dégueulasse. Ah, c'est peut-être moi qui peux envoyer mes pecs, non? Ah, c'était moche. Bon, en tout cas, voilà, non, mais c'est la différence. Les mecs, ils envoient ça tout de suite. Les filles, tu sens que non. Hein, non, non. Allez, bienvenue tout le monde. Koyov sur Snap, si vous voulez nous dire un petit bonjour. Louane, dans un instant, qui voulait faire un bisou à Zara Larsson. Elle fait partie de la longue liste des gens qui voudraient faire un bisou à Zara Larsson, qui sera notre invité dans quelques minutes. À tout de suite. 22h. Énergie. Guillaume. C'est quoi ce prénom? C'est qui cette voix? Quentin Duvar. Duvar. Ah, enlève le haut-parleur, mon Quentin, s'il te plaît. Salut, Quentin. J'ai pas le haut-parleur là, je suis en voiture. Attends, je me mets sur le bas-côté de suite. Vas-y. Ah. Et pour un MacBook, je m'arrête. Pour éviter la main aussi. Guillaume Radio 2.0. Ce soir, 22h. On NRG. Leclerc. Juliette, aide-moi, attrape-moi un des trois flacons de lessive Ariel là. Ah oui, carrément, t'en as pris trois. Oui, pour deux flacons de lessive liquide Ariel achetés, un offert chez Leclerc. Et c'est un produit partenaire du jeu, la Ligue des supporters. Trois produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un maillot de foot. C'est parce qu'il y a des produits dont on ne peut pas se passer que du 1er au 11 juin, pour l'achat des deux flacons de 34 lavages de lessive liquide Ariel, variété au choix, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. Ouais, après avoir mouillé le maillot, il faut une bonne lessive. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout, dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site, l'équipe, partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est samedi. Unreal, votre série inédite continue tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Deux productrices sans pitié, prêtes à tout pour leur émission. J'aurais jamais fait un truc pareil, c'est ça le problème avec toi, il faut toujours que t'ailles trop loin. Mais cette fois, Queen et Rachel ont-elles dépassé les limites? Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Waouh les filles, mais vous avez toutes minci. C'est quoi votre secret? Moi c'est Luxéol Minceur. Des gélules à base de plantes. Moi aussi, j'ai testé et voilà le résultat. À nous les maillots de bain. J'y vais de suite. Luxéol.com. Hey, en plus, si je ne mincis pas, je serai remboursée. C'est juste génial. Luxéol Minceur est exclusivement disponible sur luxéol.com et la livraison est gratuite. Voir conditions sur luxéol.com. Pour votre santé, bougez plus. Leclerc. Juliette, toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale, avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25€ d'achat ou pour l'achat de trois produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, la France! Gagnez toute la journée votre compil Énergie Dance Hit 2016. Tous les hits sont réunis sur deux CD. Avec en exclu Imanou, Gongs, Sia et Sean Paul, Théoro, Souf, Aluna George, J Balvin, DNCE, Pitbull et Makassi, Mike Posner, Alan Walker, Sarah Larson, Bob Sinclair, Matem, Julian Peretta, Cheat Codes. La compil Énergie Dance Hit 2016. Vendredi dans les bacs. Alice n'est présente. Bonjour Alice. Ah, Alice de l'autre côté du miroir. Retrouvez des personnages légendaires. Alice, tu es revenu. Chapelier ? Je vous connais. Pour une course contre le temps. Le temps est une personne, il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Ce n'est pas du tout rassurant. Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anna Taoué, Sacha Baron Cohen. Jeune fille, votre temps s'est écoulé. Alice de l'autre côté du miroir. Produit par Tim Burton. Accrochez-vous bien. Actuellement au cinéma. Avec Énergie. Lundi ou mardi, on ne sait pas encore quel jour, on aura Mike Poster qui sera là. On aura Boosty qui vient demain. Ouais, je vais éviter, ouais, j'avoue. Ouais. On aura Kungs aussi demain pour finir la semaine. Vas-y, Julie. Ça va être bon, ça va être énorme. Et puis, une alerte enlèvement. La petite Zara Larson, 1m60, 1m62, a été retrouvée, n'est pas au studio. Oui. Donc, si vous la voyez... Elle est là, elle est arrivée ? Non. Si vous la voyez, si vous avez des nouvelles, parce que elle Julie... Elle s'est pas trompée de radio, non, mais je vais expliquer un truc. Julie, tu es en train de se, Julie, t'es en train de se dire... Elle commence à avoir un très gros doute. Elle est en train de se demander sur si elle s'est pas trompée de jour. Mais non. Bah, nous, non, en tout cas. Peut-être qu'elle, oui, mais... Bah, c'est-à-dire qu'elle est pas là. Notre traductrice n'est pas là non plus. Ah oui. Mais elles étaient peut-être ailleurs avant. Ensemble. Et avec la crue chelou, et tout ça, la scène. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ça aussi. T'es pas en train de te dire, par exemple, que tu te serais trompé de jour? Non. Il y a deux heures, elle a fait une interview, je regarde sur Instagram. Ah, moi non. T'es sûr? Ah oui, moi je suis sûr. Ah non, parce que sinon, je veux bien qu'on trouve une Zara Larson. Stouff, va mettre une perruque. Tu seras Zara Larson. Et tu me parles suédois, s'il te plaît. Tu te démerdes. Tu vas trouver un truc. Non, elle arrive. Ah, elle a dit qu'elle était à Paris, donc elle est Attention, coin. Oui. Elle a la retweeté votre tweet, donc normalement elle sait où. Ah, merci bien. Elle est là maintenant. Ah bon, super. Mais elle est devant la maison de la radio. D'accord. Elle est chez Fun Radio. D'accord, donc je vais tweeter, tu vas retourner. On va tous se retweeter. Elle a retweeté qu'elle venait. Oui. Bon, c'est qu'elle vient alors. Bah oui. J'espère qu'elle aura un mot d'excuse. Bon, dans un instant, on fera la petite annonce alors. Quelqu'un qui vend une un WC, les lunettes, les bâtons de WC. Ah, ça c'est dégueulasse. Ah, c'est bien. Non, surtout quand c'est. Oui, c'est dégueulasse, surtout quand c'est pas neuf. C'est et vrai. Qu'on le récupère de quelqu'un. On en parle dans un instant, juste après quoi. Oh, Justin Timberlake. Calme-toi. J'ai vu notre traductrice. Ah, notre traductrice est en train d'arriver. C'est bon signe. Oh, c'est Justin Timberlake sur Énergie. J'adore cette chanson. Hit the music only. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop, stop. Des pères arrivent bientôt. Mais c'est pas possible, tu peux pas offrir ça, franchement. À vendre sur le bon coin. une lunette de toilette. Tu vas arrêter de te prendre en photo, Elsa. Ouais, ouais. Oh. Elle est en mode kiffage, je me fais. Et puis tu vas rajouter combien de filtres? Elle est violette mais sur la photo tellement tu mets de filtres. Bah oui, j'aime bien. Ah oui, ça t'arrange bien. Ouais. Mais filtre, je l'ai vu depuis tout à l'heure là. Ouais. Et des essais. Et je m'étire, je me rajoute des boobs et je machin. Ah, et là, ça, j'ai pas besoin. Et je me fais blonde. Ouais. Je vous dis tout de suite, elle ne ressemble pas du tout à ce que vous verrez sur Snapchat. Bon. Quel salaud. Avant de lunettes de WC, déco marine. Déjà servi. Déjà servi, il est horrible. Incrusté de, les gars, incrusté de véritables coquillages. Et quelques traces de pneus. Coquillages les plus chauds de ta région. Idéal bord de mer, le mec nous dit. Idéal bord, vraiment, ça marche que là. Ah, c'est des paysans. Et il a mis magnifique lunettes WC. 18 euros, on appelle. Vous savez que si c'est une dame qui y tient et qu'elle trouve ça très beau, elle ne dira jamais que c'est de la merde. Si c'est elle qui l'a choisi, elle ne le dira jamais. Quoi? Mais c'est horrible. C'est horrible, je suis d'accord. Moi, je peux pas m'asseoir sur une lunette de toilette. Je l'ai pas dit, mais au touquet, j'en ai mis partout. T'as mis quoi? Des trucs de lunettes comme ça avec des coquillages. C'est le fait, c'est le côté occasion. Et allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour monsieur, j'appelle pour les lunettes WC en coquillage. Oui? Voilà, dites-moi que je n'arrive pas trop tard. Non, ah. On est là. Ah, merci beaucoup. Voilà, vous me... Une petite seconde, c'est le monsieur pour les... Oui, allô ? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, j'étais en train de dire à votre mari, j'espère que je ne tombe pas trop tard. Non, pas du tout. Non, j'ai dit non, j'ai dit à votre épouse que non, il n'y avait pas de souci. Ah, d'accord. D'accord, parce que vous savez, je me suis dit à 18 euros, ça va partir, hein, c'est une affaire. Hein, donc, bah oui, complètement. Bah oui, parce que ça valait combien dans le commerce à l'époque ? Ça valait cher. Oh là là, oui, ça va vite. Moi, ça, je l'avais payé très cher. Très cher, ça, ça dépassait les 50 euros. Ah oui, de beaucoup. Non, mais c'est vrai. Un bel investissement, hein. Mais alors, le détail que ma femme n'a pas su me dire, c'est s'il était neuf ou peu servi. Très peu servi. Ah, d'accord. Très peu servi parce que, voilà, il est issu d'un déménagement, en fait, et du coup, je l'ai retiré, quoi. Mais alors, pourquoi ? Si c'était... Vous avez changé ? Ben non, mais bon, c'est vrai que j'ai refait une déco différente. Ah, et, bien sûr, je comprends. Si vous voulez, j'ai mis... Voilà, et bon, comme c'est un bien qu'on a vendu, bon, ben, j'avais un... J'ai remis l'ancien qui était un basique, en fait. Et vous avez retiré les toilettes, les lunettes de toilette de ce que vous vendiez, bien sûr, je comprends. Oui, bien sûr. Les personnes, disons que c'est un bien qui a été bradé, puis les personnes n'étaient pas sensibles à la déco. Donc Je vais vous dire un truc. S'il y a des gens qui ne sont pas sensibles au coquillage sur la lunette des WC, il ne faut pas leur laisser. Hein. Voilà. Bah non, il faut laisser ça aux connaisseurs et aux gens qui aiment. Et votre nouvelle déco, alors, pardon, hein, sans indiscrétion, donc c'est quel vous avez laissé dans les coquillages, c'est quoi maintenant ? Disons que c'est plutôt blanc et gris. Alors si c'est blanc et gris, une lunette de WC bleu coquillage, c'est un peu de la merde. Voilà. Non, c'est pas ça parce que bon. C'est par rapport à voilà, il y a des objets déco ramenés de voyage, de l'Asie, tout ça, donc c'est un petit peu différent. D'accord. Parce que je me disais quand même quand on a une déco qui va pas du tout ensemble. Moi, par exemple, chez moi, moi ça va pas aller hein, parce que j'ai mis de la verdure partout. Donc vous voyez, j'ai fait quelque chose de vert, très vert, nature, bobo. Vous voyez, donc. C'est bien. Moi, je suis pour la nature. Mais moi aussi, madame, moi aussi. Mais bon, je me dis qu'en revanche, si tout est vert, un siège bleu avec des coquillages, c'est un peu de la merde. Bah écoutez, oui. Eh ben alors, si c'est de la merde, madame, on vous l'achète pas. Au revoir, madame, bonne soirée. J'espère que tout va bien. Voici Amir. J'ai cru qu'on allait pas y arriver. On a réussi quand même. On a réussi. Zara Larsson dans quelques minutes. Ça va bien se passer cette soirée. Dites à Zara Larsson que tout va bien. Je suis bonne humeur. Elle va kiffer. Okay. Je cherchais un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Nostalgie Coeur sur Énergie. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, Zara Larsson est notre invitée. Bonjour. Je vais faire une photo, je vais la tweeter. Hey. Is it on me or you? What? Was it a selfie? No, it was no. You. Twitter. It was everybody. Yes. Non, c'est pas moi. He's tweeting. Voilà, je vous mets Zara qui est notre invitée. Comment ça va depuis la dernière fois? How have you been since last time? Oh, I've been good. I've been doing a lot of stuff. Écoute, elle va bien, elle arrête pas. I've been really good. Qu'est-ce qu'elle a fait? What have you been up to? Just everything. It's a lot of singing. Elle chante beaucoup. Ouais, jusque-là, c'est bien. Vaut mieux pour une chanteuse. Elle est bien occupée, quoi. Elle a chanté chez Madame DeGeneres. Hélène DeGeneres, ouais, ah bon, j'ai vu. Elle a chanté chez Madame DeGeneres. Ah oui, Hélène DeGeneres. Mm. You did the Ellen DeGeneres show. Yeah, I did. C'est un gros truc, ça. C'est un peu la consécration. Ouais, c'était énorme pour elle, ouais. Exactement. Very nervous. But it went pretty well. Yeah. I had fun. Elle s'est amusée. Elle est cool. C'est sympa. Elle est sympa, cette Hélène DeGeneres. Je la connais pas personnellement. She's awesome, right? She's very cool. Elle est very cool. Très cool. I can't wait to like sit in the chair with her. Elle a envie de faire une interview avec elle, de s'asseoir et de parler avec elle. Parce qu'elle est vraiment très cool. Est-ce qu'elle est, sur une échelle de la sympathitude, plus sympa que moi ou moins sympa que moi? On a scale of 1 to 10, is she nicer than him or less? Fais très attention honestly, à ce que tu veux dire. Be careful what you're going to say. Oh, yeah, I Parce qu'elle n'est pas là et moi, oui. Elle sait, elle connaît. But like, we had conversations, you know. We have actually... talk to each other. I didn't really talk to Ellen. Oui, toi, elle a une conversation avec toi. Elle a pas vraiment parlé avec elle. I say you, elle. Of course. Donc elle va dire toi, bien sûr. Évidemment. Of course. À table. Ok, c'est bon. Bah voilà, je suis. Donc c'est moi, bien sûr. Alexane, on fait un bisou à Zara. On se fera le titre dans un instant. Ça va, Alexane? Oui, ça va et vous? Ouais, ma chérie. Vas-y, à toi. Alors, j'ai vu qu'il tu y avait... Tu peux dire bonjour déjà. Hein. Bonjour à tout le monde et surtout à Zara, je suis très fan d'elle. Et je voulais lui poser une question en fait. Vu que l'Eurovision s'est passée en Suède, dans son pays d'origine, est-ce qu'elle aurait aimé représenter son pays un jour pour l'Eurovision? C'est le cap là maintenant, elle est au-dessus. The Eurovision, 2 weeks ago, took place in Sweden, which is your country. So she wants to know if at one point you would have liked to represent your country maybe for the Eurovision contest? Well, since it was in Sweden, I kind of realized what a big deal it actually is. Mm-hmm. You know, Eurovision is huge. And to me, it's just not my thing, you know? I love to watch it. I didn't watch it this year, but it's definitely something I watch. But I would say no. Alors, elle dirait non parce que c'est pas trop son truc. Par contre, elle a réalisé cette année, vu que c'était en Suède, que c'est quand même assez énorme. Ouais. Elle a pas regardé cette année, ouais. Mais en temps normal, ça lui est déjà arrivé de regarder. Mais bon, c'est pas son truc plus que ça. Ça a donné quoi la Suède au niveau des classements? Ils sont toujours dans les premiers. How did Sweden come out in the rankings? Good. On a pas regardé. You know? We did five, top five. Dans ils sont juste devant nous. Dans le top 5. Oh, right salaud. In front of us. Oh yeah. Juste devant nous. Those bastards. Sixième. Cette année. Yeah, we were number 6. Alors que nous, il y avait une morceau qu'on a écouté juste avant d'ailleurs. Ah, nous, on est toujours au fond d'habitude. Je te fais un bisou, Alexane. Je t'embrasse, ma chérie. Bisous à tout le monde. Ah, bisous. Sois sage. T'habitais où, Alexane? À Paris. D'accord. T'as les pieds dans l'eau ou ça va? Non, ça va encore. Bon, je t'embrasse, ma belle. À bientôt. Hop, on va prendre Colin. Oh, Colin. Il est bon, bâtonnet de Colin. Ouais, j'allais le dire. Ça va, Colin? Salut, bien, et toi? Ouais, ça va bien. Il a pas mué, quoi. T'habites à Zurich? Exactement. En Suisse? Exactement. C'est génial, c'est je voudrais dire. Envoyé les chocolats. Merci, mon pote. Nicolas, je voudrais donc dire à l'analphabète qui a écrit sur l'ordinateur que Zurich ne porte pas un K à la fin. C'est CH, mais c'est pas grave. On en apprend tous les jours. Vas-y, Colin. Pose ta question, Zara. Hi, Zara. Wanted to ask what it gives your feeling to work with David Guetta on this project. Ah oui. Ladies and gentlemen, the captain is speaking. From the cockpit. This is captain speaking now. We're right in Paris. It's different separates. Well, it's not going to be a problem. Pose ta question en français, Colin. Désarmement des toboggans. C'est fou. Vas-y, repose ta question, hein. Je voulais savoir ce que ça fait comme sentiment de travailler avec David Guetta sur un projet pareil parce qu'il est drôlement jeune, quoi. What is it? What is it feeling when you speak? You work with David Guetta. Are you happy to work with David Guetta? Okay. How does it feel to work with David Guetta? Because you're pretty. Well, pretty huge. Honestly, I've never met him. Ah bah ils sont pas rencontrés. Voilà, elle le connaît. So I don't know. Donc elle sait pas en fait. Okay. Mais il n'existe pas en fait. Non, il n'existe pas. Yeah, he doesn't exist, you know. Right. En fait, on croit qu'il existe. C'est un ordinateur. He's a computer. Oh yeah. It's like a robot. Ah, vous n'êtes même pas rencontrés un café, rien du tout. So you didn't actually meet, or you weren't in the studio together. No, together? We never met. Non, we never met. He, you know how it is these days. He sent the files. Oui, I recorded it in Sweden. Il envoie le fichier, l'enregistre. Sent it back and the song was out. C'est pas la première fois. Et la chanson est non, je sais bien, mais bon, ils auraient pu serrer la paluche. Non, et... elle l'a pas ouais. rencontré. Peut-être là, non, bientôt. Surtout pour un maybe you're gonna ça. Meet him coming and no? soon coming up. Non. Oh yeah, you know the opening ceremony oui, thing. Oui. Le yeah. Voilà. Voilà. He spoke on the phone. He's very nice. Donc oui, elle va le rencontrer. Je te fais un gros bisou, Colin. Ok, parfait. Je pourrais juste encore avoir une photo dédicacée ou un truc comme ça. Ok, on t'envoie une photo dédicacée. Oh, yeah, bon, c'est là. À bientôt, mon gars. Je t'embrasse. Au revoir tout le monde en Suisse. D'accord. Au Champ de Mars, ça y sera le 9 juin. Pour le concert gratuit, avec justement, avec entre autres David Guetta et pas mal d'autres. Il y a qui ? J'ai vu qu'il y avait plein d'autres chanteurs qui seront là-bas, non ? Il y a Soprano. Il n'y a pas Sopra ? Si, il y a Sopra. J'ai vu la pub. Il y a l'autre qui veut de l'amour, que l'amour, c'est important. C'est l'amour qui est important. Ils ont fait c'est l'amour que t'aimes, l'amour qui est bien, l'amour. Bon, pour l'instant. C'est un énorme concert. Et si on faisait le titre en live ? Oui. Are you ready for the live, Zara ? Are you ready for the live, yeah, shall we ? Let's okay, do it. Okay, what song ? Lush Life ? Celle que tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de chanter ? What do you want to sing? Between Lush Life and Never Forget You, right? Yeah. Let's go with Lush Life. Lush Life. Yeah. Ok, ça arrange le mec au son parce qu'il avait prévu que ça. Donc là, il commence à avoir une petite goutte de sueur qui était en train de couler. Il s'est dit, je n'ai pas les autres, mais messieurs, je vous le dis tout de suite. Ce serait marrant si on faisait une émission, on se parlait tous comme ça. Ah, ça ouais. Chiant, Radio Air France, bonjour. On est en grève, on me dit. Bon, attention, faites beaucoup de bruit pour Zara Larsson qui a la trompe de ce soir. Allez, notre invité ce soir, j'adore ce son, j'adore cette demoiselle. Elle a une très jolie voix. Ce que vous venez d'entendre, c'est entièrement en live. Ouais. Hein. Ouais. C'est beau. Hein, et c'est... en plus, elle est magnifique. Elle est très jolie. Alors d'ailleurs, bon, alors on va se parler, Zara. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Time to have a little talk. Oh, time to have a little talk. I like this. J'avais l'impression. He was under the impression. Qu'il y avait avant sur Instagram des photos un petit peu plus. Ah, that there were some pictures on Instagram that were a little more. Et plus du tout maintenant. But not anymore. Not anymore? You don't think so? Non, tu trouves pas celle-là. C'est quoi celle-là? Except that one. I knew you were going to bring that up. Ouais, bon, elle savait que t'allais en parler. Knew it. Yeah, what can I say? I look good in that picture. Ouais, qu'est-ce qu'elle te disait? Elle est bien, quoi. Ah, le taquet. J'adore, elle est très belle. Mais elle est belle cette photo. He likes it. Thanks. Bah, merci. Tu l'as mis mal à l'aise. J'essaie de zoomer, mais bon. Mais non, mais c'est génial. Elle est belle comme tout, elle a raison. Moi, you're jamais. Right. If he looked like you, he would put pictures like that up. Right? Ouais, yeah. Ouais, si lui pouvait faire la même chose, il est prêt. If only he could, bien he sûr. Would do it. Oh, you can? You mais can? No, nothing is stopping you. Rien ne t'empêche de le faire, tu sais. Non, non, on n'a pas le même corps. Mais si j'étais... No, but you don't have the same body. Non. Oh, well. Non, how pu how dire... bad can it be? Ouais, est-ce qu'elle a remarqué qu'il a perdu 8 kilos? Oh, have you noticed that he's lost some weight? He's oh, yeah? Lost like 15 pounds, yeah. You feel good? Yes, good for you. Yeah. That's good. Allez, on a Laura qui veut lui faire un bisou. Et après, attention, on va faire un jeu Twitter. Laura. We'll do a Twitter game after. Allô? Oh, Twitter game. Twitter game. Hi. Salut Koé, salut à toute l'équipe. Salut ma belle, on fera un petit Facebook Live si vous nous suivez sur Facebook. On se fait un Facebook cool. Live dans un instant. Comme ça, vous verrez les images de ce qui se passe en live dans le studio. On y va. Pour l'instant, Laura, pose ta question. T'as 14 ans ? Oui. Ah, vas-y, question. Alors en fait, j'aurais juste voulu lui demander, vu qu'elle était jeune, qui c'est qui l'avait inspiré dans ce métier et ce qui lui avait donné envie de le faire. Since you're pretty young, she would like to know who inspired you to, you know, do this as a professional career. Oh. Or what inspired you? Well, the thing is that I've always wanted to be a singer for as long as I can to remember. But my first idol was Whitney Houston. Sa première idole, c'était vraiment Whitney Houston. And then I found Beyoncé after a few years. Et puis après, elle a découvert Beyoncé. My goal, you know. Et maintenant, c'est un peu l'objectif, c'est d'être Beyoncé. Ah, voilà. Ça va être dur physiquement quand même. Yeah, it's going to be a little hard physically to be Beyoncé. Ah, oui. I know. Ouais, it's ouais. A lot of working out. Eh oui. Ouais, et beaucoup d'exercices et de gym aussi, ouais. Yeah. Et j'aurais aimé savoir quelle était sa chanson préférée en fait de son répertoire. What's your favorite song from your own songs? Ah non, du répertoire de Beyoncé ou de son répertoire à elle? Son répertoire à elle. Yeah, from all your songs, which is your favorite? Wow. Well, obviously, it's the songs that are coming out this fall, which is my new album. Son nouvel album qui va sortir cet automne. Ouais. But I do love Never Forget You. And I don't never forget you. And it's the first song I wrote myself, you know, together with Emily Kent Astronomy. So it's really special. Et en plus, c'est la première chanson qu'elle a écrite elle-même. Donc c'est assez spécial pour elle comme chanson. Voilà, mademoiselle. Je te fais un gros bisou. Ah, pardon, oui. Est-ce que je pourrais avoir un autographe ou pas, s'il te plaît? Je ne sais pas, demande-lui. Je peux avoir un autographe. Yeah, tu dis en anglais. Hein. Mais oui, elle t'envoie ça. T'as qu'à dire, est-ce que je peux avoir un autographe? Tu le dis comme ça, déjà, ça marche, elle va te dire oui. Mais elle a déjà dit oui. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Reste avec nous, je t'embrasse, Laura. On va te l'envoyer à la maison. Dans un instant, Zara est notre invitée. Reste avec nous. Juste après, on écoutera quoi? On fera notre titre avec Zara Larson. Non, c'est pas prévu. À moins qu'elle veut. Ouais, on veut. À moins qu'elle veut. À moins qu'elle veut. À moins qu'elle veut. Faire passer ton brevet, quoi. À moins qu'elle veut. Allez, à tout de suite. Énergie. On joue les meilleurs hits. Obligé. On a les meilleurs auditeurs. Music only. Leclerc. Juliette.

sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Ce soir, Zara Larsson, s'installe chez Koei sur Énergie. On est sur Énergie, elle s'appelle Zara. Elle est notre invitée. Cette belle voix, cette belle voix, cette belle voix. I love this song. I love. When quand je suis dans la douche, je suis comme ça. That's him in the shower. Yeah, it sounds like you're in pain. No, on dirait que tu souffres en fait. And cover. J'adore ça. Vous la verrez sous la Tour Eiffel le 9 juin pour le concert gratuit avec David Guetta, entre autres. Ce sera en direct sur TF1 et sur Énergie. Oui. Vous aurez les deux. Maintenant, c'est le moment, Zara, de jouer. It's time to play, Zara. Let's go. Oh my God. Are you ready? Ah, bah, comme c'est l'hymne de l'Euro 2016. Elle aime bien, mais elle aime pas. Elle a peur. Don't be afraid. Comme c'est l'hymne de l'Euro 2016, chez nous, on a aussi une spécialiste de football. We have a specialist of soccer here. Mais surtout des joueurs de football, c'est Julie. Soccer players, it's Julie. Alors, vous allez jouer toutes les deux. Je vais te poser des questions. Si tu réponds bien. He's going to ask questions if you give the right answer. Mm-hmm. Super. Good. Si tu réponds mal, Julie devra tweeter à un joueur de foot. Oh, if you don't, Julie's going to have to tweet a soccer player. Globalement, il y a la moitié de l'équipe de France qui la suit sur Twitter. And half of the France team follows her on Twitter. Parce qu'elle chauffe tout le monde. We have to help each other. Bah, du coup, faut qu'elle t'aide. Si elle se gourde dans la réponse, c'est Julie qui doit tweeter. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc autant te dire, concentre-toi. She has to tweet, so you better answer right. Mais parce que c'est quoi? Why would I care about that? Mais elle s'en fout en fait. Oui, mais bon, en même temps, je pensais qu'il y aurait un minimum de solidarité féminine. Non, mais c'est pas ce que c'est pas. Elle connaît pas les tweets. Ok, voilà, compris. C'est quoi les tweets? Le premier tweet. Nous jouons pour. Tu fais quelle taille de zizi, Paul Pogba? The first tweet that she's gonna have to do if you get an answer wrong is she's gonna have to tweet a player and ask him the size of his you know what. Oh no! No, it's not you know what. It's not you know what. Are you zizi? Zizi. What is the name in Swedish? What is the name in Swedish? It's like Zizi, the cute name or the bad name? No, Zizi is the cute name. The cute name. Zizi is the cute name. Wait. It doesn't sound cute though. Tu dis que ça fait pas très mignon en fait. Ah si, Zizi. Zizi, c'est mignon. Enfin, c'est le. Ah bah oui. Non. Stop. Snoop, c'est un petit. Snoop, alors que Paul Pogba, c'est Snoop. Snoop Dogg, il a la honte du coup. Snoop Dogg. Ah oui, Snoop Dogg. Bon, voici la question. Oh là là. Okay. Combien de joueurs y a-t-il sur le terrain lors d'un match de football? Personne n'aide. How many players are there on the field during a soccer game? Well, there's one in the... You know, dans les buts. In the goal. The goal, yeah. Il y en a, ouais, on est bien parti. That's one. There's two in forward. Ça right? dépend. Laissez-la. Ah, je t'en supplie. How many? Two. Three, two, one. Pour une. Quelqu'un qui fait l'hymne de l'Euro. Ouais. Yeah. Are you sure you're singing for the Euro? You should know these things. C'est pas au tennis, hein. I mean, per team or. Tous ensemble. No, quand ils jouent. Everybody combined. When they're playing on the field, how many players say, are there? 20. Yes. No, on n'aide pas. No help from the staff. Nope. On joue pour le zizi de Paul Pogba. 21. 24. Elle dirait 24. Okay, you have to pick a number. Which one? C'était la question facile. Ouais. And that's the easy question. 23 or 24? 24. Ah, 24. It's good. It's 22. Allez, tu fais quelle taille de zizi à Paul Pogba? Allez. Paul Pogba, what's the size of his dick? Yeah. Snoop. You think he'll answer? It'd be like casually like, oh. Tu crois qu'il va répondre? Il va répondre. Elle a la moitié de l'équipe de France qui la suit. Non, pas la moitié. Allez, Julie, allez. Je ne sais même pas comment ça s'écrit, Pogba. Bah, tu tapes Paul. P-A-U-L, Pogba. P-O-G-B-A. Comme ça se prononce. La honte. Voilà. Tu l'as là. C'est bien, Julie, on y est. Voici la question suivante. All right, second question. On joue pour une phrase. Cette phrase est « T'es pas à l'euro, mais tu peux venir dans mon lit, Benzema ». Okay, what she's gonna have to tweet if you don't get this one right is « You're not playing the euro, but you can come into my bed, Benzema ». Okay, cool. Question. And the question quel, est... Ah non, je vais prendre une simple. Quel joueur est l'actuel Ballon d'Or? Who is the Ballon d'Or, like the gold ball right now? C'est les trois mêmes depuis... J'ai tweeté, les gars, là. It's like an award you win. Prépare la deuxième phrase. Is it Messi again? Oui! Ouais. Messi, bien joué. Bien joué. Ah, merci. Nous jouons pour cette phrase. Voici la dernière question. Concentre-toi. Nous jouons pour la phrase. Si tu perds, elle devra tweeter. Joli petit cul, Olivier Giroud. J'ai envie de te le croquer. Réponds à MP. If she loses this one, she's gonna have to tweet. Nice ass, Olivier Giroud. I want a bite in it. And the question is, c'est quoi la question? Et tu peux quelle est la taille du rayon du rond central d'un terrain de football? Very easy. Du rayon du rond central. Tu le dis, tu sais pas traduire. La taille du rond central. Non, ça, c'est un peu trop. What is the size of the middle circle on a football field? Oh. And what's the question or what she has to tweet if you don't get it right? She has to say to Olivier Giroud that he has a nice ass and she wants to bite it. Yeah, okay. Oh, with the size of, you mean... middle circle, you know? The middle, that little circle in the middle of the field. The area of that? Mm. Yes. Mais en miles. Exactly. Ils sont mariés, ces gars-là, non? Non, Giroud, je crois pas. Footballeur, ça. Bah, je sais pas, c'est quoi cette question? Bah non, mais c'est pas grave. For you, à 10 cm près. J'ai préparé You can be wrong by 10 centimeters. Yeah, she's preparing the tweet. Okay, I would say, let's think here. Attends, elle réfléchit. Hein. Attends, elle a plus la bonne réponse. Elle trouvera pas, qu'elle s'embête pas. It's not that big. C'est pas si grand que ça, en fait. Bah, c'est pas plus grand quand même, parce qu'il faut qu'il tienne à plusieurs dedans. Yeah, there are several people in it, so it's bigger than that. Is it that big? I mean, like, this is half of it. Okay. Ça, c'est la moitié. You know what I mean? Okay, ouais. Yeah. And then... Non. No. I'm going to school. Ouais. Vas-y, tweet, t'emmerde pas. But then you take a times... Allez loin, là. No? Oh non. Non, non. Don't even bother. Qu'elle se fatigue pas. Ouais, voilà. Quelle 9 m 15. 9 meters. Faut que je tweet là. Allez, tweet Olivier Giroud. Allez, c'est parti. Restez avec nous. J'espère que j'ai le bon tweet. Allez, notre invité dans un instant lui fera un bisou. On lui dira au revoir juste après. On aura encore Alison qui veut lui poser une question. Tu bouges pas, Alison? Alison? Ok, elle bouge pas. Elle est comme ça, elle bouge pas. Elle bouge plus. Juste après, c'est quoi? Plus jamais seul? Boosty, oui. Boosty, oui, justement. On sera plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Peter don't like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non, j'ai pas une vie droit. Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people. Jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. chez Koei sur Énergie. Bon, pendant que Koei et Zara font un Facebook Live. J'étais en train de faire un petit jeu, je prenais le numéro de quelqu'un au téléphone sur Facebook Live et on l'a appelé à la maison avec elle Zara. Elle était en train de parler à Han. Voilà. Elle continue là. Mais oui, c'est notre truc. Elle lui dit au revoir. Allô, téléphone, Pépère. Elle est encore là? Elle est encore là, demoiselle? Ouais, elle répond plus. Mais elle est partie. She's... What's your name? Is she still there or did you hang up? Ah non, elle est là. Ah, elle est là, elle parle. Elle what là. Was it? Ouais, nos auditeurs ne parlent pas très bien anglais. Hein, j'entends rien là. Pas, donc pas, très bien. Non, pas très bien anglais. Do you speak French now? Pas très bien. Si, try for me. Bonjour. Bonjour. Et puis ce soir. Comment ça va? Comment ça va? What? Ah. Que voulez-vous manger? Ouais. What do you want to eat? Imagine, we are in restaurant. What do you want to eat? Oui. What do you want to eat? Oui. I don't know. Croissant, yeah, pain au chocolat, croissant. Baguette. Mm. How do you say wine? Du vin. Du vin. Alcoolique. Du vin, bravo. C'est bon le vin. Bon allez, on fait un bisou à Alison. Qu'elle mette son casque. So nice to talk to you. Mademoiselle est encore en ligne. On continue l'émission, mademoiselle. Elle est perdue. Elle est partie. Reprends-le. Mets ton casque, Zara. Nous avons Alison qui a 15 ans. T'es toujours là, Alison? Oui, je suis là. Coucou, allez, pose ta question, ma chérie. Bienvenue. I can't hear anything in these. Ah, parce qu'il n'est pas... Le volume. C'est Julie qui a encore pas réglé le truc. Elle est en train... Julie qui, d'ailleurs, a écrit Paul Pogba à la place de Paul Pogba. Je croyais que ça allait passer. Elle a été balancée. Allez, vas-y. Pose ta question, ma belle. Est-ce que tu aimerais faire du cinéma plus tard? Would you like to act in movies, maybe mm-hmm. one day? Mm-hmm. I would love that. Ouais, ça lui plairait, ouais. Yes, I would. But it has to be a good movie. Ouais, un bon film, un bon rôle. Hein. Mais oui, ça la brancherait. What kind? Think blue is the warmest color without all the sex scene, basically. Blue is the warmest color? Yeah. It's a French movie. What is the name? Blue is the warmest color. C'est un film français. Bleu, une couleur chaude. C'est non, quoi? La vie d'Adèle. Ah, la vie d'Adèle. Yeah. Sans toutes les scènes de sexe. Sex like that? Non, sans les scènes de sexe. No, but just the movie is very raw and beautiful and real. Ouais. It just feels like it's... I love those types. Elle aime bien le côté très authentique du film. Oui, mais sans c'est vrai. Sans toutes les scènes de sexe. Les glauques. Like hardcore, les scènes. Oh, hardcore, n'exagère pas. Il n'y a que les scènes de sexe. Les scènes de sexe, elle est chaude. The sexual scenes are a little hardcore. They're very hardcore. The whole movie is very raw, but just the acting is phenomenal. Ouais, le jeu d'acteur est incroyable. So I would love to like showcase my acting skills if I have any. Alors, bien, I don't montrer know ses compétences d'actrice donc dans un rôle comme ça tu vois. Bah si comme tu veux faire ça ce week-end là, je pense que score, petit scénar sur Ricky Michel. You can do something. You can try it out this weekend with him. He has a camera. Trust me. Ah bah non, don't merci trust him. Non. Bisous Alison. Je t'embrasse fort. Elle ne fait jamais confiance. Est-ce que je pourrais avoir oui une photo dédicacée? Oui, elle en a dédicacé like quelques-unes et on va te les envoyer. On va t'en envoyer chez toi à la maison. D'accord. Oui, bisous, oui. Alison. Et bisous. Tu as cours demain ou pas? Non. Pourquoi? Je suis en vacances. Déjà? Oui. Ah, sans déconner, on est le combien? On est les 1er juin? Oh, she's already on vacation. No more school. Oh, nice. Lucky mais c'est you incroyable chance, ça. Ouais. Bon, bah bonnes vacances alors. Merci beaucoup. À te faire chier, hein, parce que t'en as pour 3 mois. Hein. Ah, 3 mois, là, t'imagines enfin, allez, c'est pas grave. Bah, tu nous écoutes jusque fin juin, d'accord? Ah oui, pas de soucis. Je te fais un gros bisou, ma belle. Je t'embrasse bisous fort. Et si on se faisait, avant de dire au revoir à Zara, si on se faisait un titre en live? Grave. On y va? Are you ready for the second live? On se fait quoi? Yeah, let's do it. What are you gonna sing? I'm gonna sing Never Forget You. Voilà. Yeah, le public, ils sont contents. Yeah. I'll never forget me. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais. Non, j'ai c'est bien le titre de la chanson. Non. Ah, elle a dit, je vais la chanter et je ne t'oublierai jamais. Ouais. Après, elle a dit, I sing and I never forget you. Ouais, elle a fait voilà comme ça. Ouais, elle a pas fait never forget you, elle fait never forget you. Oui, bien ça. Hein? It's for me. It's for, t'as vu? Elle le fait du doigt. Ouais. Elle a dit, never forget me. Ouais, ouais. Zara Larsson en live sur Énergie. Allez! I used to be so happy, but without you here, I feel so low. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. 'Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see the time hasn't changed a thing. It's very deep deep inside me, but I feel there's something you should know. No, I will never forget you, and you will always be by my side. From the day that I met you, I knew that I would love you till the day I die. And I will never want much more, but in my heart I will always be sure that I will never forget you, and you will always be by my side till the day I die. How we both end up here, but everything seems alright, right. I wonder what would happen if we went back and put up a fight. No, cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. So what in this world do you think could ever take you off my mind? I will never forget you, and you loving it, everything that we do. And all along I knew I had something special with you, but sometimes just gotta know that these things fall through. But I'm still tired, I can't hide my connection with you. I'm feeling it, I'm loving it, everything that we do. And all along I knew I had something special with you, but sometimes just gotta know that these things fall through. I can't hide my connection with you. I die, and I will never want much more. But in my heart, I will always be sure. I will never forget you to the day I die. Oh, oh, oh. Elle a une jolie voix, cette demoiselle. C'est impressionnant en live parce qu'elle pousse. Hein. Ah ouais. Ah bravo. Moi, je comment ça fait pour sortir d'un aussi petit corps? Ouais, c'est vrai. Et petit et joli. Oui, c'est vrai. Quand même. Est-ce qu'on a une question dans le public? Un petit truc? Parce que je sais qu'il y a des fans. Un petit message, un petit mot à dire. Il y en a une dans le fond. Et puis comme ça, après, on fait un bisou à Zara qui nous laisse. Mademoiselle. Hi Zara. Hi. I'm a big fan of you since Uncover. I love you so much. I have no question, but just I love you. Ah, voilà. Elle a pas de question, elle veut juste dire qu'elle l'adorait. Qu'elle mais t'as raison, mais ça fait plaisir. Moi j'en ai une. Ça fait quoi d'être la deuxième personne suédoise la plus connue derrière Zlatan maintenant? What does it feel? On en connaît like deux maintenant des Suédois. The second most famous person in Sweden behind Zlatan. Il y a 30 ans. I don't know. Je sais pas, elle s'en fout. Yeah, it's cool. Non, c'est cool, c'est cool. Hey, c'est cool. Bon, c'est tout. No, but Zlatan is Zlatan. Like, obviously. Ah, oui, like, Zlatan. He's the king. Voilà, Zlatan, c'est but le roi. But I can be the queen. Voilà, elle peut être la reine. Ouais, c'est mignon, ça. On a quelqu'un qui pose une question dans le fond, qui dit un petit mot, mademoiselle. Hi. Hi. Hi. I wanted to know if you're planning on doing a concert beside the, you know, the foot opening ceremony. Here in Paris? Yeah. France, I would love France, one. À part l'ouverture. I'm probably doing like a tour this fall or winter. Il y aura peut-être une tournée cet automne ou cet hiver. That would be great. I would absolutely love that. But it's nothing we have decided yet. but we might do. C'est pas encore décidé, mais peut-être. Voilà, c'est en cours. I would love to, absolutely. En tout cas, j'aimerais beaucoup venir. Probably 2016, I'll probably have some sort of a concert. Voilà, sûrement okay, en 2016. And I wanted to tell you that you're really talented and oh, I really love you. Thank you, that means a lot. Thank you. C'est tout, un dernier petit à gauche, toi qui voulais poser une question? Non, moi je fais le tour du public, hein, s'il y en a qui veulent dire un petit mot. Oui, toi, non, je sais pas qui. Micro, faut l'allumer. Eh oui, il ne l'a pas allumé. Salut, je voulais savoir en fait si tu avais prévu de faire d'autres featuring avec des DJ. Do you have any other featuring planned with DJs? DJ. Ooh, not planned. But rien de prévu en tout cas. You know, you never know. Mais on sait jamais. Now I feel like I want to focus on what I do. I feel like this Euro Cup song was such like I couldn't say no to that, and I'm very honored and thankful that I'm a part of it. Ouais, l'hymne de l'Euro par exemple, elle pouvait pas refuser, donc elle est now déjà I très flattée. Now I want to focus on my album and my music, and it might be featured on my next thing. Like I have no idea. Elle sait pas, mais là elle veut vraiment se focaliser sur ça, sa musique, son album. Après il y aura peut-être d'autres featuring. Pour l'instant elle sait pas, mais c'est possible. Elle va suivre l'Euro. Are you gonna follow the Euro? I mean, is it bad if I say no? Yeah, it's bad. Si elle dit non, ça craint? Ouais. Yeah. Yeah, it's and bad. You know, I'm Swedish, and we honestly, like, we don't have the best team. Ouais, les Suédoises, ils ont pas la meilleure équipe, elle le sait. But I will support them. I will support them. Mais elle va les soutenir. And we have Zlatan, you know, you never know. Et puis il y a Zlatan. It could be 1994 again. On peut refaire une petite 1994. Taking the bronze. On sait jamais. Or even silver or gold. Bon, you never know. And maybe when I'm doing the song, like the team is like super hyped. Voilà, peut-être que l'équipe va être déchaînée quand elle va chanter. Voilà, ça leur portera chance, tu vois. Bon, ben je te le dis, moi. Elle va chanter dans un stade. You gonna sing in a stadium? C'est prévu ça ou pas? Is that non. I think so. Yes. Ouais, l'ouverture. Elle croit bien. Ah oui, à l'ouverture déjà. Non, elle va chanter sous la Tour Eiffel, mais pas. Il y a pas au Stade de France. Oui. Yes. Ah ouais, the Eiffel Tower and then the Stade de France. Yeah. Chanter dans un stade, c'est chaud, hein. That's pretty cool. It's pretty cool. It's a big mais c'est une petite jeune fille blonde, ils seront adorables. Ouais, le dernier qui a fait ça, il s'est fait siffler. Non, mais une jeune fille blonde, ils seront adorables. Oui. Maître Gims, il s'est fait siffler, mais c'est un mec. C'est une cérémonie. Bon, en tout cas, Zara, je te fais un gros bisou. J'espère que tout va bien se passer. Thank you for stopping by and we wish you luck. Hope it'll all go well. Thank you. Zara Larsson était notre invitée sur Energy. Dans quelques minutes, on se fera des bisous. Vous êtes chez vous à la maison. Merci d'écouter la première émission de France. À tout de suite, on revient. Venez à Paris, assistez au grand show d'ouverture de l'Euro. Au Champ de Mars, le 9 juin, avec Energy. Sur scène, en direct, sur Energy et TF1. Dès que vous entendez le double hit Énergie, David Guetta, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister à ce show énorme au pied de la Tour Eiffel. Ah, trop bien. Énergie, numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Leclerc. Ce soir, c'est soirée tuche. Soirée quoi? Le film Les Tuches, maman. Le 1 à mourir de rire et maintenant le 2, le rêve américain réuni dans un double DVD édition limitée que papa nous a acheté chez Leclerc. C'est parce que vos coups de cœur ciné sont aussi les nôtres qu'à partir du 3 juin chez Leclerc, l'édition limitée de 2 DVD Les Tuches 2, le rêve américain avec le film Les Tuches inclus est à 9,99€ après réduction immédiate de 3€. Dans la limite des stocks disponibles, modalité et vente en ligne sur www.culture.leclerc et dans les magasins participants. Deux films à ce prix-là. Et là, on va se marrer. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout, dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est samedi. Unreal, votre série inédite continue tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Deux productrices sans pitié, prêtes à tout pour leur émission. T'aurais jamais fait un truc pareil, c'est ça le problème avec toi, il faut toujours que t'ailles trop loin. Mais cette fois, Queen et Rachel ont-elles dépassé les limites? Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Tous les jours, vous avez le sentiment que la rencontre qui changera votre vie n'arrivera jamais. Pour cesser de vous tourmenter, envoyez par SMS quand au 72. Notre équipe se tient dès maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions cruciales. Envoyez quand, QUAND, au 72. Quand au 72. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. Leclerc. Maman, viens voir le prix de ma crème de deux jours sur le nouveau site parapharmacie.leclerc. Fais voir. Tiens, regarde, sur parapharmacie.leclerc, t'as toutes nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Waouh, génial. Oui, le top du top, c'est qu'on va pouvoir commander nos produits de beauté et de santé en direct de la maison. Retrouvez de chez vous plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie sur le site parapharmacie.leclerc. La parapharmacie à prix Leclerc. Non mais regarde les prix, maman. À ce prix-là, tu devrais te prendre un anti-cerne, non? Tu trouves que j'ai des cernes? Non. Énergie, it's music only, avec le Brief Festival. Le festival 100% Gaillard. Du 21 au 30 juillet, 5 jours de live. Retrouvez entre autres Louane, Maître Gibbs, H Magnum, L.E.J., Navi et Kenji. C'est Kenji sur Énergie. Infos et réservations, énergie.fr et brieffestival.com. Le Brief Festival. Un événement énergie. It's music only. Disney présente. Bonjour, Alice. Ah! Alice de l'autre côté du miroir. Retrouvez des personnages légendaires. Solène. Alice, tu es revenue. Chapelier. Je vous connais. Pour une course contre le temps. Le temps est une personne, il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Ce n'est pas du tout rassurant. Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anna Taoué, Sacha Baron Cohen. Jeune fille, votre temps s'est écoulé. Alice de l'autre côté du miroir. Produit par Tim Burton. Accrochez-vous bien. Actuellement au cinéma. Avec énergie. Je suis en train de mettre l'attaque, les petites photos avec Zara Larsson sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, Koé officiel. Vous pouvez pas rater sur Twitter, Koé officiel. Sur Snap, Koé off. Ouais. Ah. Oh, avec deux F. Ouais, c'est une petite variante. Je sais pas pourquoi on a dû faire ça. Je pense qu'il y a dû y avoir un mec qui a dû. Et on peut changer les noms, parce que moi j'ai un nom à la con sur Instagram du coup. Ça change ou pas? C'est quoi ton nom à la con? C'est Pietro Poulos. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça à l'époque. C'est vraiment un droit à la con. C'était pour perso à la base. Ah bah oui, et du coup. Pietro Poulos. Je sais pas pourquoi j'ai qu'est-ce mis ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais ça se change ou pas? Bah, difficilement, puis démerde-toi surtout. Bon, alors, pour l'instant, voici le jeu du public avant de se dire au revoir, parce que dans quelques minutes, nous allons nous dire au revoir. Oh, ça va être très très dur. Ils en ont pas envie, hein. Quoi, ils en ont pas envie? Mais ils savent même pas ce que je vais faire. Quel est ton prénom, jeune homme? Moi? Oui, oui, toi. Nicolas. Ça va, Nicolas? Ouais. Nicolas, tu viens d'où? Tu viens d'où? Pantin. Pantin, d'accord. Ok. Ta copine, c'est celle qui est à côté? Pareil. Il paraît. Il paraît. Vous êtes chauds les deux, hein? Vous êtes d'accord. Elle est pas contente de sa copine, elle a regardé. Bah tout à l'heure, je lui ai demandé si c'était son copain, elle a fait. Wow, wow. Mais ils sont se maquettent. Vous êtes ensemble? Ah d'accord. Elle suce son pouce, ça ne te dérange pas? Mais pourquoi il assume pas, on dirait? Non. Il regarde sur le côté. Elle suce son pouce, ça ne te dérange pas? Non. D'accord. Elle est un peu timide, Nicolas. Les gars. Nicolas, je vais vous passer des chansons. Si vous trouvez qui chante sans que personne n'aide, ça va. Sinon, vous mangez ce qu'il y a dans leur nom. Je répète. Voilà. Ou vous trouvez qui chante, ou vous mangez ce qu'il y a dans leur nom. Vous allez vite comprendre voilà. Avec le premier. Et après, personne n'aide. Hein. Personne ne l'aide. Calvin Harris, bien joué mon gars. Bah non, bah, du coup c'est bon. Non, c'est bon, mais on avait pour toi du pain de mie Harris si t'avais pas trouvé. T'as compris? Des choses bonnes. Allez, on passe à ta copine. Le prénom? Jeanne. Commencez pas à souffler derrière. Hein. Celui qui souffle, c'est lui qui mange. Toi, ouais. Elle là. Je te prends, je te mets ta tête dans ton cul, je laisse dépasser ta queue de cheval et je la ressors comme ça. T'es au courant? Tu la vois l'image? De toute façon, après on attaque attention. Les vieilles chansons. Voilà. Attention, qui chante? Personne n'aide. Ils connaissent la mademoiselle, une réponse? Aucune idée. C'était la ketchup. Eh ben, il va falloir manger du ketchup. Ah, allez, on y va, on prend une grosse cuillère pour papa. C'est dégueulasse. Ça va, c'est du ketchup. Ça va. Pur, c'est pas terrible. Pur, c'est pas dément. Allez, il n'y a pas de nom, mais. Ah, la belle tâche. Ah, le bâtard. Il a fallu tâcher. Il l'a fait exprès. Tâche de ketchup. Ça tâche pas, ça tâche pas, ça tâche pas. Ça tâche pas, ça tâche pas. Ça tâche pas, ça tâche pas. Il y a bien un truc qui tâche pas, c'est le ketchup. Ça et le mercurochrome, c'est les deux trucs qui tâchent pas. Ça tâche pas. Quelque chose pour nettoyer. Ça tâche pas, ça tâche pas. N'étale pas surtout, n'étale pas. À côté, la demoiselle, quel est le prénom? Dounia. C'est Dounia. Dounia, personne n'aide. Barbra Streisand. Connais ce fond. Ah, mais c'est pas parce que tu danses que tu connais le groupe. Non. Eh, on n'aide pas.